3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Eh, eh, eh! 3, 2, 1, on est de retour. Et oui, pas un jour, pas une semaine, pas un mois, pas une année sans qu'on parle des New York Knicks. Eh ben, on est en 2024 et on a un épisode qui arrive alors qu'il n'était pas spécialement prévu celui-là. Pourquoi ? Bah, pour vous souhaiter tout d'abord une très bonne année 2024. Bonne année, Seb, pour m'accompagner encore une fois sur cet épisode un peu spécial. On va détailler le pourquoi du comment. En même temps, vous avez le titre, vous avez le visuel sur YouTube, donc vous doutez bien de quoi on va parler. Mais on ne pouvait pas commencer cette année 2024 sans un épisode de Have a Knicks Week, Have a Knicks Year, même bientôt, on peut le dire, allez, une très bonne année Knicks, on l'espère pour 2024. Oui. Et puis on est de retour un peu plus aussi tôt prévu. Une bonne année, mes meilleurs voeux, que les Knicks gagnent, qu'on ait plein de titres. Voilà, être champion du monde à la fin de l'année, on verra. Julius MVP. En tout cas, une bonne santé à nos Knickerbockers et puis à vous tous et toutes qui nous regardez assez régulièrement sur cette chaîne, KNF TV, la chaîne YouTube de l'association Knicks Nation France. Alors pourquoi on est de retour ? Eh bien parce qu'il s'est passé une grosse dinguerie l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, c'était le 30 décembre. Il y a eu les fêtes, on n'avait pas prévu de revenir allumer la caméra et les micros tout de suite. On devait se donner rendez-vous lundi prochain pour débriefer tout simplement les matchs qui se sont joués. Mais non, il fallait quand même qu'on revienne avant parce qu'il y avait quand même un gros sujet à débriefer ensemble. Alors, on a rangé les boules, les guirlandes, le sapin, on a rangé les cotillons et les coupes de champagne. On est prêt pour vous débriefer ce qui s'est passé. Et il s'est passé une belle petite dinguerie, donc on va en parler ensemble. On perd pas plus de temps, je balance le jingle. Seb, t'es chaud ? Plus que jamais. Plus que jamais. Alors c'est parti, on perd pas de temps, on balance le petit jingle et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et oui, aujourd'hui, on est accompagné d'un petit jouet. Un petit jouet collector, le petit bobblehead de R.J. Barrett, parce que R.J. Barrett, voilà, c'est fini. Il n'est plus un Knickerbocker. Alors, Knickerbocker un jour, Knickerbocker toujours, ça c'est certain. Mais notre ami Léon a décidé, voilà, de tourner la page, de faire un gros move. Oui, parce qu'on peut le considérer comme un gros move. Oh, oui. On l'attendait un petit peu, ce gros move. Est-ce que c'est le gros move que tout le monde attendait à voir ? L'avenir nous le dira. En tout cas, il a bougé des joueurs, des assets et pas des moindres. Il y a eu un trade qui a été annoncé par nos amis des insiders habituels, les Woj et les Shams Charania. Un trade qui envoie R.J. Barrett plus Emmanuel Quickley, IQ pour les intimes, plus le second tour de draft de la prochaine draft 2024 qui appartient aux Knicks via les Detroit Pistons. Donc dit autrement, c'est un second tour qui risque de se transformer en limite borderline first round vu la saison un peu compliquée des Detroit Pistons. Mais voilà, ces trois assets qui partent pour qui, pourquoi? Pour OG Anunoby des Toronto Raptors, accompagné de Precious Achiuwa, tendance new-yorkaise, hein, cet ami Precious. Il est du Bronx. Et Malachi Flynn. Du Bronx, voilà, un gars de BX, un des Five Boroughs de New York qui arrive à la Madison Square Garden, la salle des New York Knicks. Malachi Flynn pour accompagner tout ça. Bon, pour l'instant, il est out le garçon. Mais voilà, un trade 3 contre 3 avec un pic de draft. C'était la grosse news, la Woj Bomb, la Shams Bomb. Ça nous a surpris. Enfin, moi, j'ai découvert cette annonce. C'était samedi 30 décembre. C'était samedi soir, voilà, 18h30. Pour tout dire, je préparais mes petites lasagnes tranquilles pour un petit repas. Moi, j'allais au travail. Petite lasagne maison. Et puis là, au bout d'un moment, je vois que ça s'agite sur des groupes WhatsApp, des vocaux, en veux-tu, en voilà. J'en lance un pour savoir ce qui se raconte. Et j'entends qui, quoi ? Il s'est passé un truc ? Tu vas kiffer Precious Achiuwa ? Pour qui, pourquoi ? Eh ben oui, il y avait eu un trade une heure avant. Donc un petit peu de retard, effectivement. On ne s'attendait pas à ce timing-là. C'était un petit peu surprenant, faut l'avouer. Toi, tu partais au travail, moi j'étais en pleine cuisine, et du coup, forcément, ça a un petit peu chamboulé ce samedi. Bon, veille de réveillon, on a attendu d'avoir un peu les esprits reposés, de digérer la nouvelle, parce que effectivement, en breaking news, Beaucoup de réactions. Oui, les Knicks ont payé trop cher. Mais non, fallait pas se séparer d'IQ. Voilà, on va prendre le temps. On est là pour ça, pour en parler avec un petit peu de recul sur la situation, en ayant un petit peu regardé les stats, les contrats, des petits bouts de match. On va parler de tout ça. Mais voilà, c'était une news plutôt surprenante. On a un article sur le blog Knicks Nation France. On a deux articles qui ont été publiés récemment. Le premier étant le statut, enfin le point sur la saison des Knicks par Kevin, qu'on salue au Voilà, coup de passage, tiers. qui nous mentionnait un petit peu, effectivement, à 30 matchs, les pistes qui pouvaient se produire en termes de mouvement aux Knicks. Il y a du Dejounte Murray, on a parlé de DeRozan, on a parlé de Zach LaVine, on a parlé de pas mal de monde, de Dede Drummond, pourquoi? Pour avoir un petit peu de renfort à l'intérieur en l'absence de Mitchell Robinson. Et puis on avait évoqué rapidement la situation, le cas OG Anunoby, puisque c'est un nom qui est dans les radars, dans les rumeurs depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Mais il y avait une histoire de procès. Il y a toujours cette histoire de procès Bah ouais. au civil ou je ne sais où dans la juridiction américaine Ah, entre c'est New pour ça York et Toronto. que. C'est pour ça que personne ne donnait trop de crédit finalement à cette piste en direction Ouais. de Toronto, quoi. On n'y croyait pas trop, on se disait, mais pourquoi est-ce que les deux franchises vont aller faire un deal sportif alors qu'ils se mettent dessus juridiquement pour des histoires d'espionnage entre Business is guillemets business. industriel? Finalement, le sportif a primé, et tant mieux, c'est voilà, moi c'est ça qui m'a surtout surpris. Je pensais que tant qu'il y avait cette histoire de procès, jamais les deux franchises allaient faire un deal. Eh ben si, comme quoi la NBA, ça peut être surprenant parfois. Est-ce que c'est un deal gagnant-gagnant? Est-ce que c'est une équipe qui en ressort plus à son avantage que l'autre? On va détailler ça, on aura l'occasion d'avoir cette peut-être petite conclusion, nous, en fin de vidéo. On donnera nos avis. D'ici là, on va essayer de revenir un peu en détail dans les tenants aboutissants de ce trade. Alors bon, d'abord, on va commencer par se préoccuper de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés. RJ Barrett, 5 ans à New York, drafté en 2000, c'était quoi, 17, 19, je ne sais même plus. 2019, pardon. 2019. 2019 au troisième tour, Troisième troisième pick, place. pardon. Derrière le fameux Zion Williamson, derrière l'autre fameux bang bang, Ja Morant. Jamorant. Et donc notre Canadien RJ Barrett qui avait démarré sa carrière à New York avec un Yo, I'm a Nick. Et ça avait tout de suite marqué les esprits. Bon, après, il a eu, on va dire, 5 saisons avec des hauts, des bas. Un bon gars, RJ Barrett, hein, toujours plutôt Non, on peut pas bonne dire le humeur, contraire. souriant et tout. Voilà, il a su se mettre les fans dans la poche par son Pas de attitude, par drama son dans la état team d'esprit. aussi, je veux dire. Ouais, il était pote avec Frank quand il était présent. Il était pote avec IQ, avec Kobe. Julius l'avait pris un peu sous son aile aussi par son expérience. Enfin, non, il n'y avait aucun. En tout cas, au sein du roster, pas de problème particulier le concernant, quoi. J'ai Clairement jamais rien eu pas. qui sortait dans les médias. Hein. Clairement pas. Et il jouait le jeu des médias. Il a été mis en avant. Il a tout de suite assez vite endossé la pression que pouvait représenter New York, un marché comme New York. Voilà, il a embrassé les bras ouverts et le public lui a plutôt bien rendu au début. Ça a été par moments un peu compliqué sportivement et ça, on va revenir le détailler. Mais finalement, voilà, un joueur issu de la formation, hein, entre guillemets, new-yorkaise, qui a connu pas mal de coachs, fils d'aile pour commencer, Mike Miller, puis Tom Thibodeau, ça il faut le rappeler en termes de parcours. Mais voilà, 5 saisons passées à New York et les Knicks ont décidé de s'en séparer. Il était déjà dans les rumeurs de trade l'été dernier, enfin il y a 2 étés, lorsqu'on parlait d'une arrivée potentielle de Donovan Mitchell. Il y a eu des prolongations de contrat. Bon, voilà, on se disait peut-être que ça a été un peu dur à digérer, mais voilà. Il y a eu une belle campagne cet été avec la team du Canada où il termine médaille de bronze, donc très très bien. Donc Canadien, hein, on le rappelle, même si je pense que là-dessus tout le monde a cette info. Canadien issu de la banlieue de De Toronto, Toronto. Mississauga, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien en canadien. Donc voilà, pour lui, c'est un retour à la maison, un coming home. Donc il est plutôt, je pense, content et au regard de ses premières déclarations. Il y avait pire comme transfert pour lui. Retourner à Toronto, bon, finalement, c'est un moindre mal, même si il a dû sûrement accuser le coup dans un premier temps de quitter New York. C'est pas le Et même puis marché. accompagner, accomp pas le même marché, clairement. Mais un beau marché et une belle fanbase Ah aussi. oui, non, Une non, mais équipe bien championne il n'y sûr. a pas si Non, longtemps. mais Une franchise Toronto, respectable. c'est une immense ville qui vibre, je pense, essentiellement pour les Maple Leafs en hockey. Mais parce que Mais après, les Raptors ont une histoire plus récente également dans la ligue. Et après, ont un titre aussi. Ils l'ont acquis quand leur titre? Ben, je crois en 2018, je pense, non? Un truc comme ça. Alors là, Joker, je sais plus, on n'a pas révisé 2018, je sais l'histoire plus. de Toronto, des Toronto Raptors, et on laissera ça aux fans des Toronto Raptors. Mais en tout cas, voilà, c'est un retour pour lui, et un peu l'enfant du pays, un des enfants stars du pays au niveau du ballon orange. Peut-être pas le meilleur Canadien de la NBA à l'heure où on parle, mais voilà, en tout Il y cas, en un a même retour pas bien mal du accueilli pour côté lui. de Oklahoma, ouais. De côté d'OKC, effectivement. Et puis une belle équipe du Canada au sens large, une belle fratrie, comment dire, une belle brochette de Canadiens un petit peu partout. Et puis donc accompagné de notre plus jeune 2019 aussi, champion. voilà, merci, tout jeune IQ, qui lui aussi a été drafté par New York, beaucoup plus loin. C'était 25e 25e draft, choix. 25e pick, 25e choix. La saison d'après, justement, Oui, la saison si je Bobby. dis pas bêtise, Draft Bobby la 2020. saison d'Obi. Donc mine de rien, en un bout d'intersaison, avant une trade deadline, on s'est séparé de Obi et de IQ. Comme quoi ça peut Et aller de vite. RJ. En Et six de RJ, mois, ça fait beaucoup. tu. La Grimes, McBride, Teams et Mitchell Robinson sont les derniers formés, entre guillemets, draftés du roster. Effectivement, donc ils peuvent aussi se poser des questions, avoir chaud. C'est pas pour autant qu'on tourne la page des jeunes à New York. C'est pas pour autant qu'à New York on ne sait pas former les jeunes, on ne sait pas développer les jeunes. Ah bah non, Faut la dire preuve. tout de même, IQ, c'est quand même un joueur qui a eu des responsabilités. On va aussi détailler son impact et sa perte vis-à-vis du jeu. Mais voilà, ces deux jeunes qui partent, ça fait un petit pincement au cœur, forcément, parce qu'on préfère avoir une histoire qui se construit dans le temps avec des joueurs issus de la draft formés à la maison new-yorkaise. Alors tout de suite, on va pas faire le oh, c'est Sonics, vous gardez pas vos jeunes. Non, à un moment donné, pour faire des trades, il faut bien utiliser des joueurs dans la balance pour pouvoir conclure un deal. Visiblement, c'est des joueurs qui intéressaient Toronto, qui intéressaient les Raptors, qui sont peut-être à l'aube d'une reconstruction plus importante. Ils le On sont, pense notamment à Pascal Siakam, qui est aussi dans les rumeurs depuis un bon moment. oui. OG Anunoby, sa situation contractuelle laissait croire que il allait sûrement risquer de partir. Donc voilà, il était peut-être temps pour Toronto d'appuyer sur le bouton avant la trade deadline. Ça s'est fait fin 2023, tout début 2024. Ça va permettre d'avoir ces joueurs un peu plus longtemps que si l'échange avait eu lieu pour les deux équipes au moment du mois de février. Donc c'est peut-être pas plus mal que ce deal ait lieu maintenant. Au bout d'une trentaine de matchs, la saison de Toronto est mal embarquée. Il prépare peut-être déjà le futur et se donne du temps avec ses jeunes. La saison de New York, elle, est plutôt bien embarquée et il y a peut-être besoin justement d'un petit boost, un petit complément. Et on va voir si OG peut l'apporter. Mais voilà, deux petits jeunes qui partent. Forcément, il y a une petite larmichette au moment de les voir partir. Peut-être plus pour l'un que pour l'autre, pour les deux, je ne sais pas. Chacun aura son affect particulier. Moi, ma petite figurine collector, eh ben, elle va rester collector. Le numéro 9, aujourd'hui remplacé par un numéro 8. On verra si le bobblehead vient prendre sa place dans la vitrine. Mais voilà, petite Le larmichette, pas de larmichette. Petit très pincement au souriant cœur ou pas? OG Anunobi, quoi. Ah, le très souriant. Bah écoute, ouais, non, quand la nouvelle est tombée, j'étais en train, comme je te dis, de me préparer pour le travail. D'ailleurs, ça m'a mis un peu en retard parce que bah, tout de suite, j'ai un peu réagi avec les copains, j'ai un peu réagi sur Twitter. Parce que c'est qu'on s'y attendait pas du tout. Il y avait. C'est des fois, ça frémit un petit peu. Il y a des choses qui sont là, qui sont en train de se préparer. Et les insiders, tu vois, il y a des choses qui te laissent penser. Là, on nous sortait pas. Enfin, on nous avait parlé un peu d'OG, mais pas plus que ça. De C'est ça. Dejounte Murray, mais pas plus que ça. Et puis, on était quelque part, on était plus peut-être dans l'optique d'un move, d'ajustement pour le rôle de pivot. Et Ouais. on ne voyait pas, en fait, entre guillemets, un blockbuster trade. Oui, on peut l'assimiler quand même comme ça, parce qu'on Entre perd guillemets, bon. entre, on perd un membre important, on perd déjà deux de nos Un quatre meilleurs starter. scoreurs, Un deux de nos starter et quatre le meilleurs. sixième homme, quoi. Voilà, deux de nos quatre meilleurs marqueurs. Un starter, comme tu dis, qui fait partie du Big Three des Knicks. Et le meilleur sixième homme, donc celui qui sort du banc et qui dynamise tout. Donc c'est vrai que quelque part, on perd quand même beaucoup, on perd quand même deux bonhommes importants du groupe. Donc c'est vrai que quand ça tombe et que c'est le nom d'Oji qui est mentionné comme quoi il vient Onyx, partagé entre les deux, partagé d'un côté en se disant, on était arrivé pour moi au bout de l'histoire de RJ Barrett et ça n'a jamais vraiment décollé le concernant, c'est-à-dire beaucoup de frustration. Chaque année, je pense que si on remonte les vidéos, à chaque fois on dit ah, mais RJ, en fin d'année, c'était quand même pas mal et tout. Donc, attendez, regardez, il va encore. Et puis l'année suivante, non, mais attendez, ça va repartir, ça va redécoller. Et puis en fait, jamais, en fait. Jamais, ça frémissait, mais ça allait pas au-delà. Et il y avait comme un petit goût d'inachevé dans ces saisons. Et Emmanuel Quickly, lui, ben. Comme tu l'as dit, c'était le chouchou du Garden, c'était le chouchou des fans. Moi, c'était mon chouchou. Je l'aimais beaucoup, je l'aimais beaucoup. En sortie de banc, il amenait une défense, une rugosité en défense. Il amenait son grain de folie parce que mine de rien, sa première saison, on était là, bon, ok, il a un flotteur et après, ok, il a un tir à 3 points un peu aléatoire qui prend un peu de façon n'importe Assez comment, large, assez lointain. mais il a su bah, épurer son jeu, il a su étoffer son jeu, il a su l'épurer dans le sens faire moins nimp et l'étoffer en se rajoutant des moves, c'est-à-dire le petit pull-up à 3 points, à la sortie d'écran, une finition aussi parce qu'il avait du mal à finir sous le panier hormis par son flotteur. Là, il avait des vrais moves au poste. Et au fur et à mesure, bah, Thibodeau, première saison, 19 minutes, deuxième saison, 23 minutes. Troisième saison, 29 minutes, il prend 10 minutes entre sa première et sa troisième saison, parce que bah, il est satisfait de lui, de toute façon, et ça n'est jamais caché, hein, Thibodeau qui l'aimait beaucoup, hein, il était satisfait de ce qu'il produisait, et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a pris de la valeur au fur et à mesure, je pense qu'il a pris de la valeur par rapport à son jeu, et par rapport à son contrat aussi, qui était quand même très alléchant. Donc voilà, donc c'est vrai que d'un côté... Moi, j'ai été plus peiné de voir partir IQ que RJ. Pour moi, RJ, on l'a dumpé par IQ. C'est mon Il y a avis. un peu de ça, il y a un peu de ça. Et il faut pas oublier que RJ Barrett, on le re-signe parce qu'on sort de la désillusion Donovan Mitchell. C'est-à-dire que RJ Barrett était dans la même position que IQ l'était à cet été. C'est-à-dire qu'il était dans sa dernière année de rookie. Et donc, on pouvait lui faire une offre de prolongation de contrat à rookie. Donc, on l'a quand même mis RJ Barrett dans la balance. Il l'était, hein, dans la balance, au même titre que IQ, d'ailleurs, pour Donovan Mitchell. Bon, finalement, ça ne s'est pas passé pour les raisons avec Danny Ainge, protection de pique, patin, coup fin, tout ça. Et que pour pas Peut-être, que oui. les Knicks se retrouvent le bec dans l'eau, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a re-signé RJ Barrett derrière, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a su que c'était mort. Ben parce que dès que, enfin, on a su, non, mais dès qu'en fait, l'annonce, quasiment, c'était flagrant. Dès que l'annonce a été faite que Donovan Mitchell est au Cavs, peut-être une semaine après, RJ prolongé chez nous. Ouais, enfin, c'était Donc, plutôt l'inverse. C'était la prolongation de RJ a ou directement peut-être. provoqué le mouvement Ouais. côté Cavs. Mais il y a une sorte d'effet Et. domino et des négociations qui ont duré longtemps pendant l'été pour, à la fin, dire bon, allez, on prolonge. Mais là, C'était un peu ce tout ça sentiment-là. pour Ouais. dire qu'on l'a prolongé, le front office, Leon Rose l'a prolongé, pas tant parce qu'il était attaché à lui et pour son talent et parce que c'était un bon gars, Parce qu'il fallait faire. mais parce qu'en fait il fallait le faire parce qu'en fait on savait qu'on n'allait pas avoir Donovan Mitchell, donc bon ben voilà quoi, il fallait pas qu'on se retrouve dans une situation désagréable à l'été, c'est-à-dire ben un club qui vient qui met je dis n'importe quoi 30 patates sur lui, ben non on les met pas quoi. Donc voilà, donc si bien qu'il avait été prolongé quand même pour ça, un beau contrat, hein, je l'ai sous les yeux, Ouais, je peux te c'est le dire. 104 sur 4 ans, c'est... On regarde 107. la NBA, C'était oui. 107 sur 4 ans Parce qu'il y a pas mal de en clauses, si tu es progressif. All-Star, si tu es ci, si tu es ça. Mais on En regarde la progressif. NBA actuelle et des contrats, c'est pas énorme. On Sa regarde sa dernière signature, année, il c'était pas mal. frôle les... À sa dernière année, il frôle les 30 millions. À 26 Ouais. ans, il frôlera les 30 millions. Pour un mec qui, depuis 5 ans, tourne à 18-19 points par match. Voilà. Ouais, ou frôle la vingtaine. C'est pas scandaleux en termes de contrat. Après, effectivement, RJ Barrett, pour commencer par ceux qu'on a perdus, ceux à qui on va dire au revoir, ceux à qui on va souhaiter malgré tout une bonne chance, une bonne continuation. Ah mais évidemment, à Toronto, hein. Parce que il y a pas ils de, partent, y a pas... ils partent sans grief et je suis persuadé qu'ils auront les acclamations qu'ils mériteront lorsqu'ils reviendront au Madison Square Garden parce que ils partent mais ils ont jamais fait de demande de partir, ils ont jamais fait les divas, ils ont jamais rien dit en fait, même que quand IQ a été entre guillemets un peu maltraité par Thibodeau cette année, mais il y a des raisons à ça, on l'expliquera. Ils se sont jamais trop épanchés dans les médias. Ouais, toujours, ouais. Ils ont été corporate. Et c'est vrai que dans le cœur des fans, il n'y a pas de scission, en fait. RJ Barrett et Emmanuel Quickly, comme on dit, once a Knicks, always a Knicks. Donc, ils ne bougeront pas. Et, ils ne reviendront pas comme Porzingis revient et qu'il se fait huer. Voilà. On sera aux antipodes de ça. Le dernier gros trade, dernier gros move qui a été fait, qui a un peu chamboulé la planète Knicks, c'était le trade de Porzingis, et Porzingis en était demandeur. Il y avait une situation où effectivement, il avait poussé entre guillemets les Knicks à faire ce move, et ça a été très mal reçu, très mal pris. Après, il y a le storytelling aussi qui a bien voulu mettre en avant le front office à l'époque de New York. Là, concernant RG et IQ, clairement, c'est des rats de gymnase, comme aiment les appeler... Tom Thibodeau, des joueurs à qui on ne peut pas reprocher grand chose, peut-être un niveau de jeu des fois inconstant, limité ou pas à offrir autant qu'on aurait espéré de certains d'entre eux, en l'occurrence RG, un troisième choix de draft, mais en soi, non, il n'y a pas de divorce réellement consommé ou provoqué par ces deux-là qui ont provoqué le trade. C'est un choix du front office dans le but d'essayer d'améliorer le roster, ça, on va le voir, mais clairement, non, ils vont partir avec la bienveillance du public. On peut s'attendre, je crois que c'est le 20 janvier, au Madison Square Garden. Voilà, donc on peut espérer voir la petite vidéo. Merci RG, merci IQ. Bien sûr. Voilà, pour ces moments. En tout cas, bon, pour revenir sur RG, effectivement, on a un joueur qui, malgré son haut choix de draft, a pris son temps pour retrouver sa place dans un effectif qui a été un peu tout le temps en constante évolution à New York. C'est pas évident pour un jeune joueur arrivé à 19 ans, hein, faut le rappeler. Même si belle formation à Duke, même si en high school pas mal assez prometteur, il était après peut-être à un que first pick, hein, donc après peut-être que on a vu justement les tresses amigos Dukeis peut-être un poil trop beau. Tu vois comme quoi parce que c'est vrai que quand ils étaient à Duke, Zion Williamson, RJ Barrett et Cam Reddish. Tout le monde était là en mode bon, ils n'ont pas gagné le titre déjà, faut quand même s'en rappeler, ils n'ont pas gagné le titre NCAA. En NCAA, ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, les carrières ne sont peut-être pas, alors peut-être pour Zen, à la hauteur des espérances. À la hauteur des espérances ou de la hype, on va dire. Par rapport à ce qu'on nous annonçait quand ils étaient en fac, c'était, rappelle-toi, c'était les trois lorsqu'ils signent ensemble, qu'ils arrivent à Duke, c'est, ils vont rouler sur tout le monde, l'avenir leur appartient. Ouais. Comme quoi, encore une fois, la draft, c'est beaucoup de hype, la NCAA, c'est beaucoup de hype, et une carrière NBA, ça prend du temps pour avoir ses accomplissements. Même une belle saison rookie, ça ne présage pas forcément d'une bonne carrière ensuite. Donc RG, lui, était peut-être un peu moins dans la hype à New York, parce qu'on s'est vite rendu compte que non, c'était pas un joueur qui allait tout de suite tourner à 25-30 points de moyenne, dès sa saison rookie, qui est la saison les Covid, hein, faut le rappeler aussi. Elle a été un peu coupée dans plein élan. New York, c'était pas évident, faut le rappeler, il arrive avec du Marcus Morris, du Bobby Portis, du Julius Randle, donc une équipe en pleine reconstruction, difficile. Et puis après l'arrivée de Tom Thibodeau, on a eu quand même dans le même roster Bobby Portis, Marcus Morris et Julius Randle. Et ça devait quand même dans le vestiaire être fabuleux. La belle époque. La belle époque. Effectivement, ce qui a fallu la tête de Fizdel, bon, lui, on le regrette clairement pas. Mais voilà, donc RJ Barrett, c'était une belle hype. Il a tout de suite joué le jeu de cette hype à New York, il n'a pas eu de problème avec ça. Mais sur le terrain, on a été rapidement, entre guillemets, déçus. On s'est dit, bon, laissons-lui le temps. Faut pas oublier qu'il n'a même pas été sélectionné All Rookie Team, même pas la first ni la seconde dans son année rookie. Une année rookie, je le rappelle, coupée Covid, donc bon, ça pouvait aussi avoir une influence sur la perception de sa saison. Et puis après, il était toujours un petit peu... Un poil volé, je pense, quand même. Un poil volé sur ça, parce que Il y a eu des noms sur la All-Rookie, notamment Second Team. Voilà On les quoi. a oubliés depuis. On les a oubliés depuis, ou alors Ouais. ils n'ont pas eu l'impact que a pu avoir Yanchi tout de même à New York. Et puis voilà, il y a eu pas mal de changements, du Derrick Rose, du Kemba Walker, du Evan. Il a fallu qu'il trouve sa place, c'était pas évident. RJ, à un moment donné, on s'est dit, bon, ça va être le. Est-ce que c'est un franchise player? Clairement, on ne peut pas répondre par l'affirmatif au jour d'aujourd'hui. Est-ce que demain à Toronto, il le sera? Peu probable, à voir, on ne sait pas de quoi Est-ce que tu l'avenir est veux fait. les noms de la All-Rookie Team? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce qu'il faut vraiment revenir aussi loin? Je sais pas. En tout cas, Mais dans la first, il y a du Ja Terrence Morant. Davis, Qui? Brandon Clark et Terrence Pardon? Davis. Tu vois, Non, mais Kendrick Nunn. des joueurs tout à fait respectables. Mais voilà, au jour Eric d'aujourd'hui, à Pascal, qui 5 n'est ans même plus à après. NBA, qui n'est même plus à NBA aujourd'hui. Ouais. Un ancien de Villanova, au passage. Bon, Eh oui. bref, mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça démarrait un petit peu sur la pointe des pieds à New York. Mais il a réussi à progresser tout de même. On a toujours eu des doutes sur son shoot, sur sa capacité de shoot, sur sa capacité de dribble aussi, hein. C'est un gaucher, il joue beaucoup main gauche, il est capable d'absorber le contact, ça là-dessus on l'a vu. Mais d'ailleurs on vous conseille un très très bon podcast, c'est quoi? C'est Basket Lab, si je dis pas de Basket bêtises. Lab, ouais. On mettra le lien en commentaire, qui détaille un petit peu les interrogations autour de RJ et puis notamment une analyse autour des stats. Et on voit et on se rend compte que RJ Barrett, oui, il y a de la production statistique quand on regarde les chiffres, une vingtaine de points par match. Mais en termes d'efficacité, c'est un peu douteux, c'est un peu discutable. Il y a beaucoup de paniers pris, beaucoup de tirs pris, mais voilà. Des crises d'adresse, mais dans le mauvais sens, ou pendant des périodes et des semaines et des matchs. Bah, il n'y avait pas un 3 points qui rentrait, donc c'était un peu compliqué. Pour un joueur Le qui a 3 points, toujours un peu ça. oscillé entre le poste 2, 3, on ne savait pas trop où le positionner, il est physiquement plutôt assez athlétique, pas très rapide. Il n'a pas un premier pas qui fait dire waouh, il prend de vitesse n'importe qui. Il est capable d'aller au contact et ça nous a tout de suite plu. Donc Pas un c'était handle, plutôt intéressant, mais. pas non plus élite, quoi. Ouais, voilà, donc il y a eu des choses, une galère continue au lancer franc, même si cette saison, il y avait une progression dans ce Beaucoup mieux au secteur. lancer franc cette saison. On l'a Ah bah vu faire de oui. bons playoffs, il faut le dire, on l'a vu faire de bons playoffs Alors, l'année dernière, ouais. une bonne campagne a été, et un bon début de saison cette année. Donc on s'est dit, ça y est, c'est l'année du déclic, limite, on va peut-être pouvoir espérer que RJ Barrett soit un All-Star à New York. On Tu s'est dit parlais des ça. lancers francs quand même, tu vois, il est passé de il était passé, on va dire, de 60 entre ouais, 74% à 84%. Il y avait C'est du pas mieux, mal il y hein, avait du pour mieux, lancer franc. clairement. C'est Bon, un joueur qui après reste jeune, parce que voilà, il a Qu'aux que trois points, 23 ans, voilà, mais. aux trois points, il était à 30, 31% et il était toujours à 30, 33%, quoi. Ouais. Sachant que là, sur cette trentaine de matchs joués à New York, bon, il y a eu des histoires de migraine qui l'ont un peu coupé, alors qu'il faisait un Ouais. très bon début de saison. Ah, ah Faut ouais. lui rendre ça aussi, hein. Donc on s'est dit, ça y est, c'est lui qui a pris les rênes, là où il était plutôt vu comme la troisième roue du Big Three, hein, le troisième roue du carrosse, le troisième élément du Big Three derrière JB et Julius. Début de saison, clairement, c'était lui, et dans Avenix 8, nous lui avons même décerné le titre honorifique de KNFTV Knicks of the Week. C'est peut-être même le tout premier qu'il a eu. Donc Oui, voilà, pour moi. ouais. Il aura eu cet award, mais voilà, autrement, RJ, c'est un peu le sentiment de pas assez de constance, pas assez d'impact dans le jeu. Oui, des stats, mais des fois des stats un peu en faux semblant, qui pèsent pas forcément, qui font pas le déclic dans la rencontre. C'est pas un RJ qui prenait le match à son compte pour aller faire gagner l'équipe, quoi. Il y a finalement très peu de souvenirs où on se dit, ah, RJ, c'est ça son match référence, c'est là où il prend les rênes. Oui, il y a le fameux shoot au buzzer contre Boston où c'est une action dingue sur la tête de Tatum, alors qu'en fait il est en galère pas possible pendant tout le reste du match. Donc tant mieux, très bien, c'est mignon, ça fait des très belles photos, des Mais beaux souvenirs. non, Mais. il y a jamais eu la révolution Barrett. Il y a jamais eu la révolution où il tape du poing sur la table et puis d'un coup, c'est comme une évidence, c'est lui le patron. Ça a Il a pas jamais pris le marché pouvoir à et en New fait, York, quoi. t'as compris que ce gars-là serait une troisième option dans une Un équipe lieutenant, troisième, je sais sérieuse. pas, mais ouais. Dans une C'est équipe sérieuse. un rôle de lieutenant, et même sur les aspects défensifs, il y a eu des bons passages, et il y a eu des passages où on se dit, ah, il est moins impliqué que ce qu'il ne l'était par moment. Donc, Ouais. voilà, il y a un petit sentiment de déception avec RG, même si finalement, il ne faut pas faire non plus la fine bouche. Hein, ça sera un des meilleurs rookies qu'on aura vu passer et qu'on aura vu évoluer pendant un moment à New York. Ça, faut pas cracher dessus non plus. Mais on en attendait plus, on attendait plus. Et dans la hiérarchie à New York, là où la nature a horreur du vide, c'est Julius Randle qui a pris ce rôle de leader. Et même quand on était dans les galères de Julius Randle, les pouces baissés et compagnie, il a mis du temps un petit peu avant de prendre la suite, on va dire. Il l'a fait tout de même, et tant mieux. Mais c'est l'année où finalement on ne fait pas les playoffs et on finit un petit peu en autre boudin cette saison. Donc voilà, donc, et avec l'arrivée de Jalen Brunson l'été dernier, enfin la saison dernière, bah voilà, il a pas step up. On n'a pas vu non plus une énorme connexion entre JB et RG. On voit plus une connexion des fois entre JB et Julius. Est-ce que voilà, il y avait un côté trop soft, trop effacé, des fois où on se disait voilà, RG dans le corner ou RG dans la seconde unit, bah, on voit pas forcément RG qui est un des leaders de l'équipe. Donc ça là-dessus, voilà, il pouvait y avoir des réticences, des questions. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, on n'en peut plus de RG, c'est bon, c'est limité, ça passera pas un cap, jamais All-Star. Comme tu le dis, ça sera éventuellement un troisième meilleur joueur d'une équipe qui vise le titre. Bon, ça c'est la formule un peu toute faite des équipes qui visent le titre. Je sais même pas s'il a sa place aussi haut dans une hiérarchie comme ça, mais à voir. En tout cas, bah, il était peut-être temps pour New York de se dire on abandonne le projet RG. Parce que ben, tu oui, sais, on a signé une prolongation, le contrat va aller en grossissant, pardon. Et est-ce qu'il va trouver une valeur marchande plus tard? Pas certain. Tu sais, je vais te donner trois stats avancées que je vais t'expliquer, qui sont relatives et qui finalement en fait caractérisent bien finalement comment les saisons de RJ Barrett au Knicks. Donc on a le PER que tu connais, hein, que j'ai déjà expliqué, donc qui est tout le monde la note le connaît. Moyenne de production d'un joueur dont la moyenne est à 15. On a le win share, donc il s'agit donc d'une stat donc qui est calculée donc en quoi un joueur a contribué au succès de son équipe, d'accord, ou non. Donc le win share en fait ne tient pas en compte des performances de l'équipe, mais les performances du joueur et en quoi il contribue à la victoire, enfin voilà, au succès de l'équipe. En sachant que la moyenne est à 0,100. Et le VORP, donc ça c'est une idée, donc c'est l'idée de la valeur d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain. Et lorsque le VORP est négatif, ça veut dire que le joueur est pénalisant lorsqu'il est sur le terrain. D'accord ? Donc ce sont trois stats quand même assez importantes, que sont donc le PER, le win share par 48 minutes et le VORP. Donc au niveau du PER, on a eu un joueur qui n'a jamais eu la moyenne. Jamais. Pas bien. Et pourtant, il n'a jamais raté de match. Hein. Il faut reconnaître ça aussi, RG, c'est quand même, c'est quelqu'un qui ne se blesse pas. Peu. Mais c'est un joueur qui n'a jamais... C'est quelqu'un qui n'a jamais eu la moyenne. Rappelle-toi, la première semaine, je t'avais dit, ouais, incroyable et tout, il est à 19 ou à 20. Bon, c'est vite tombé, hein, puisque là, maintenant, on est à 14,2. Donc, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la moyenne. Il a commencé la saison rookie à 10, après 13, 13,7, 13 à nouveau, 14 cette année. Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui finalement est resté average, tiers moyen, quoi, vraiment. Au niveau du win share par 48 minutes, donc comme je t'ai dit, la moyenne est à 0,100. Et lorsque tu vas regarder d'autres joueurs que je pourrais te citer, c'est bien au-dessus. Par exemple, Emmanuel Quickly, son win share par 48 minutes, il est à 0,125, 113, 137. Tu vois, ce sont des chiffres qui pèsent. Il est au-delà de la moyenne. RJ Barrett, on était à du 0,078, 0,046. Donc tu vois, c'est clairement en dessous, mais vraiment clairement en dessous. Et au niveau du VORP, on est un joueur qui, en 4 ans chez les Knicks, a été quasiment à chaque fois soit négatif ou proche du négatif. Et quand tu fais ce parallèle-là avec Emmanuel Quickly, et ben là, tu fais OK. Bah, en fait, il y en avait un qui pesait sur le déroulement d'une rencontre et un autre, et en fait, l'autre, qui pas tant que ça. Et RJ Barrett, c'est un joueur que, comme je te dis, que je qualifie de moyen, tiers moyen, quoi. Mais moyen, tiers basse, même. C'est un bon joueur, mais c'est pas lui qui va te. Qui, c'est pas lui. Évidemment qu'il va y avoir des fulgurances comme tous les joueurs. On pourrait tous citer des joueurs anonymes qui un jour ont claqué, je sais plus combien de points, mais Rodrigue Bobois avait éclaté une équipe tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens de citer un match par un match. Ce qui est important, c'est de voir la moyenne de ces matchs. Oui, et puis sur 5 saisons, il y a suffisamment un échantillon large pour voir justement l'apport du joueur. Exactement. Et quelque part, ces chiffres ressortent notre ressenti. Tu vois, comme on dit, ah bah tiens, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Je suis d'accord, mais lorsque tu regardes comme nous on fait, c'est-à-dire que moi je regarde quand même essentiellement les Knicks en NBA, quelques matchs de d'autres teams lorsque je tombe dessus ou machin, mais sinon je regarde essentiellement 100% des matchs des Knicks. Donc comme toi, on se focus des fois sur un joueur, sur quelques séquences, sur quelques trucs. Et finalement, ça retranscrit bien ces chiffres-là. Ce qu'on pouvait sentir du jeu d'RJ Barrett. C'est-à-dire que souvent, en fait, on le voyait bien commencer, mais disparaître au fur et à mesure des rencontres. Ouais, s'effacer des fois par moment, ouais. On le Ça voyait. manque de constance. Voilà, on le voyait bien prendre plein de shoots à 3 points. Et puis, il faut que quand l'équipe est en blowout, là, il va marquer 2-3. Donc, forcément, ça va rééquilibrer sa moyenne, mais en fait, il n'était pas bon. Donc, RJ Barrett, comme j'ai dit, comme tu l'as dit aussi, c'est quelqu'un qui va. Nous laisser voilà ce goût d'inachevé dans la bouche, de se dire mais en même temps est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il en a Est-ce les que c'est capacités de voilà, faire est-ce mieux? que ça vient du joueur, est-ce que ça vient du système, est-ce que ça vient du coach, est-ce que ça vient des coéquipiers? On va le savoir puisque il va pouvoir Ah maintenant là, il évoluer sera au dans un autre révélateur. environnement à Toronto, donc on pourra pas dire faute de Thibodeau, faute de Julius. Donc il va aussi avoir une sorte de prise de conscience du joueur de se remettre en question, de step up aussi. Donc ça va être intéressant à observer à distance. Moi j'aimais dire est-ce que RJ Barrett fait partie du problème ou de la solution d'Enix? Voilà, en tout cas, c'était pas la solution, clairement. Est-ce que c'était le problème? On va vite le savoir aussi à New York. Mais voilà, le front office a décidé de tourner la page. Manque de régularité, manque de constance, manque d'efficacité, pas assez d'eux. Un contrat correct, mais est-ce que c'était finalement un bon rapport qualité-prix? Visiblement, les Knicks ont décidé que non. Est-ce que Toronto, eux, ont décidé au contraire que c'est vraiment le joueur majeur du trade? Ou est-ce que c'est Ils pas IQ le ont joueur majeur? quatre ans devant eux parce que le contrat des son extension commençait cette année. Début Donc de juste. là, ils ont 4 ans de RJ Barrett à plus de 25 millions l'année. Soit en Pour effet, bah, essayer de. soit ils croient au De. projet, soit dans un an, 2 ans, ça essaye de gratter des tours de draft. Mais voilà, en tout cas, la page est tournée pour New York. La page va commencer à s'écrire à Toronto pour RJ. On lui souhaite le meilleur. On verra comment il se comporte quand il revient au Madison Square Garden. Il sera bien accueilli, mais est-ce qu'il va faire des revenge games? Ça, on le verra. Ça sera intéressant à voir aussi les Je oppositions pense. OG et RJ. Bon. Mais voilà, on a beaucoup parlé de lui. C'est une page qui se tourne, forcément un haut choix de draft. Et l'avenir qu'il pouvait incarner à un moment donné, finalement, l'avenir va s'écrire sans lui. Ça fait partie d'une C'était franchise le NBA. Les dernier. joueurs passent et la franchise reste finalement. Donc C'était le on n'aura dernier pas premier. su. C'était le dernier. Il avait cassé donc la série des premiers tours de draft Allez, premier tour. non signés. Oui, les premiers tours, parce que je sais que Mitchell Robinson Il y a avait Mitch prolongé, Robinson qui avait signé quelques mais semaines c'était un second avant. tour. Ouais, c'est un second tour. Mais lui, c'était un premier tour, et les premiers tours jusqu'à présent, on les avait jamais gardés. Charlie Et Ward. C'est dire, puis, c'est dire. ouais, Ouais. c'est ouais, années 90, Mais voilà, on donc va ouais. justement parler d'un presque second tour parce qu'il a été drafté en fin. On va revenir maintenant sur IQ. RJ, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on a fait le tour de RJ, manque de constance. Là où, au contraire, on se disait IQ, ah, il y a quelque chose à faire. La saison dernière, il était en course pour le titre de meilleur sixième homme de l'année. C'est Malcolm Brogdon, petite dédicace à Nico au passage, qui a raflé le trophée, le award. Mais IQ le méritait peut-être aussi. Il était un des bons éléments de la belle saison d'Enix la saison dernière en sortie de banc. Un dynamiseur des défenses adverses. Un bon élément en défense, capable aussi de différentes menaces offensives, tant en pull-up, tant en shoot à 3 points de je ne sais où, parce qu'il a une longueur de tir un peu hallucinante parfois. Également cette capacité à finir en flotteur. Bref, il pouvait nous faire un peu tout, offensivement parlant, notre IQ. Et puis, il était l'année dernière plutôt dans un rôle de meneur remplaçant, même si c'est un combo garde capable de jouer sur le poste 1 et 2. Voilà. Un joueur qui, on va peut-être beaucoup le regretter, parce que la seconde unit va perdre beaucoup. Autant avec le départ de RJ, c'est compensé par un starter en la présence d'OG Anunoby. Au niveau de IQ, là, ça laisse peut-être un vide au niveau de l'apport offensif en sortie de banc. Il y a d'autres joueurs, certes, c'est certain. Mais IQ, on avait ce côté un petit peu électron libre, dynamiteur, qui pouvait prendre des crises à 3 points, qui pouvait nous sortir des 20-30 points en sortie de Ouais, banc. qui arrêtait des momentum ou qui en lançait un, Voilà. On pouvait aussi avoir des crises d'adresse où ces tirs casse-croûte passaient pas, ne rentraient pas. Donc ça, voilà, c'est un jeu à risque, mais voilà aussi cet aspect de joker offensif qui était intéressant à avoir en sortie de banc. Un joueur qui a su progresser aussi, hein, parce que clairement, quand il est arrivé, on ne l'avait pas forcément repéré. On avait plutôt les yeux braqués sur Obi Toppin. Bon, ça a été une autre histoire. Mais il s'était fait un gros, enfin rapidement, la hype en Summer League, rappelle-toi, son nom là tout de suite, c'est attends, c'est qui ce type là? C'est qui ce Mais type oui, qu'on a drafté en fait? Kentucky, mais ils sont bons à Kentucky en fait, mais oui. Rappelle-toi, on était là en mode ah mais attends, mais ça a l'air vachement bien ce qu'on a Un chopé joueur, là. il faut le rappeler, drafté par OKC, et puis avec des petits mécanismes de jeu de bonneteau avec Tonton Léon, finalement on avait récupéré ce pic de Léon le draft. voulait, hein. Mais on le voulait, Comme Léon voulait Grimes, voilà. c'est Léon voulait IQ. C'était des choix du front office actuel, là où RG était plutôt le choix d'avant, de nos amis Scott Perry et Steve Mills. Steve Mills. Là, non, c'est un joueur comme Obi Toppin qui ont été draftés sous la présidence de notre ami Léon. Donc voilà, c'est aussi montrer une capacité de pouvoir faire des choix et un peu parfois revenir en arrière sur ses choix, même si là, on s'est laissé du temps. Avec IQ, c'est vrai que la situation est différente. Aussi un joueur fun à regarder, voilà, qui est capable de jouer des deux côtés du terrain, ça c'est très important. Et si on a aussi une bonne défense parfois Ouais, sur le sa backcourt, défense, c'est pas par rapport à Jalen Brunson, clairement pas, mais c'était bien aussi c'est par bien rapport étoffé à au Quick fur et à Fade. mesure des années. Et c'est vrai que même l'année dernière, beaucoup de décrypteurs d'images, de séquences américains faisaient ressortir, que ce soit The Strickland, que ce soit Tommy Beer, faisaient ressortir justement sa dureté défensive. Et le fait que, mine de rien, on tenait aussi un mec qui arrivait à tenir ses adversaires directs. Et c'était pas rien, quoi. C'est, mine de rien, c'était pas rien. IQ a réussi. C'est pour ça que c'était un formidable joueur et qu'il a plu au Garden. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mettait son cœur hein, sur le terrain, quoi. Et pas Donc, que, et pas ça, à New York, que. et ça, on aime ça, quoi, Oui, les joueurs et puis qui donnent fun tout. et des célébrations aussi plus sympas les unes que les autres. Donc clairement, c'est un joueur qui va manquer vis-à-vis de la fraîcheur qu'il pouvait apporter. Ouais, clairement, ces célébrations, elles étaient kiffantes. Il y en a plein. On pourra en faire une compile. Peut-être qu'on aura le droit sur KNFTV d'avoir Je sais plus quelques c'est souvenirs. contre qui, je sais plus c'est contre Il nage au quel match sol là. et tout. Il y avait un Il y en a où il trop. marque le 3 points. Il marque le 3 points dans le corner, et il se retourne vers le banc, tu sais, et il les regarde en mode ouais, genre, c'était merveilleux, Non, c'est marrant il quoi, était comme mec. rafraîchissant. Après, des fois un peu rageant parce qu'il y avait des shoots, des fois pris un peu n'importe comment, ou par moments un peu tunnel vision lorsqu'il fallait apporter des points. Donc, c'est Mais en pas un même temps, c'est créateur. aussi. C'est. Voilà, c'est un. Il jouait au poste 1, mais c'était pas un meneur de métier, Un clairement. combo. Ceci dit, il faisait le travail parce qu'il a fait aussi de belles sorties à la passe par moment, il faut le dire. Mais voilà, un joueur qui sort du banc, qui est dans une course pour un sixième homme de Au l'année. triple, Il faut apporter des points. Il faut apporter des points. si je Donc. m'abuse, je crois que c'est sur sa saison rookie, là, quand il finit peut-être pas la saison rookie, ou sur la deuxième La saison année, sophomore où il termine en triple-double. où il fait deux triples doubles, parce qu'en fait, on lâche la saison, on fait pas les playoffs. Donc là, en fait, il joue et Obi joue, et les deux s'éclatent. Ça marque plein de points, c'est rigolo. Il y a une belle C'était frais, connexion entre c'était. deux. Clairement, clairement un joueur qui et puis même d'un point de vue charismatique, très charismatique. RJ avait son côté charismatique, parfois, même si c'est un côté un peu droupi, un peu endormi par moment. IQ, c'était le fun, c'était le fun. Donc ça va manquer forcément, parce que c'est pas ceux qu'on a récupérés de Toronto qui ont l'air d'être des Gaëlérons par rapport à ça. Mais OG, voilà, c'est là au-delà un de... joueur très sérieux et très sérieux. C'est très posé, trop peut-être, trop. Une sorte de kawaii, tu vois, quoi. Bref. Écoute, moi, s'il a son sang-froid, pas de problème. Hein. Oui. Non, mais au-delà du côté fun, juste, voilà, sur IQ, il y avait aussi un petit peu le côté, est-ce que c'est un meneur, est-ce que c'est un arrière, est-ce qu'il peut pas être titulaire, est-ce qu'il peut pas, à un moment donné, prendre les rênes que Jalen Brunson a pris quand on a signé l'été il y a 2 étés. Moi, je pensais, en fait, à un moment donné, quand on était à la recherche d'un meneur, de pourquoi pas, justement, faire monter IQ dans la hiérarchie, même si c'est pas un meneur de métier. Il avait montré de belles choses à sa saison rookie, pourquoi pas à sa saison sophomore devenir meneur, à monter en avoir une promotion par coach Thibodeau. Non, le front office est parti sur Jalen Brunson. On regrette clairement pas ce choix, mais on Rappelle-toi, avait une belle paire finalement de poste 1. rappelle-toi que déjà durant la saison, on préfère faire jouer Alec Burks en meneur que Ouais. Emmanuel Quickly. Ça, Et c'était. donc là, ça a donné clairement la tendance. Tu savais très bien que là, les Knicks allaient chercher un meneur parce qu'en fait, ils avaient déjà leur idée en tête. C'était un sixième homme. C'était un mec sorti du banc. Pour eux, Quickly n'a jamais été autre chose qu'un sixième homme. Hein. Il a très peu starté. J'avais donné la stat justement dans l'article que j'ai rédigé. Vingt-sept, vingt-cinq matchs titulaire. Je vais te le dire. Il a joué exactement 205, en 3 ans et demi pour les Knicks de saison régulière, 253 matchs et il en a joué 27 en tant que titulaire. Donc, À peine 10%, quoi. C'est peu, c'est peu. on l'a jamais vu autrement qu'un sixième homme, ce type-là. Ceci dit, c'était un rôle qui lui convenait bien parce qu'il y avait une Non, bien liberté. sûr, mais. Il y avait peut-être plus de ballons que quand tu es avec RJ, que quand tu es avec Julius, que quand tu es avec Jalen Brunson. Donc ça lui permettait de s'exprimer offensivement parlant. Bien Mais sûr. du coup, il y avait une certaine forme de limite, à savoir, c'est un joueur de banc, c'est un joueur, un sixième homme. Il peut apporter, il peut, et il a apporté dans ce domaine-là. Mais, est-ce qu'il faut à un moment donné payer beaucoup un joueur du banc, payer beaucoup un joueur du banc qui est jeune? Voilà, il y a eu cette question. Il y a eu cette C'est question ça le forcément qui s'est problème. posée l'été dernier. C'est ça le problème, c'est que tu as un type qui est en progression, Progresse. qui est jeune, qui a encore une grosse marge qui a encore une marge devant lui, hein, parce qu'il a Pas blessé 24 non plus, ans. non? En termes de santé. Ouais, qui se blesse pas, qui est fiable, pas de drama, pas d'histoire. Donc, clairement, le joueur de bonne famille, quoi, le genre Apprécié de idéal. tous, et même du public. Donc, pourquoi Ouais, s'en séparer? carrément. Eh. Mais le problème, c'est que ben, cet été, tu as des types aussi qui ont un peu déréglé le marché. C'est-à-dire que tu as ben, des Devin Vassell, par exemple, qui ont pris l'oseille, qui ont braqué la banque. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas, mais peut-être que au vu de leur production, ce contrat était peut-être encore un peu trop surdimensionné. Ou comme un autre là, que j'avais cité, donc un Jaden McDaniel. Mais j'ai cité ces deux-là parce que ce sont les deux gros. Comment dire, Signature. signature de cet été et les contrats sont énormes. On est sur du 25-26 millions la saison. Est-ce que IQ a mérite pour l'instant ce type de contrat? Ça me semble être un peu surdimensionné par rapport à son talent pour l'instant. Disons que Je dis lui, pas qu'il les peut-être, a aura plus. ses prétentions salariales-là, est-ce que New York était prêt à aligner ça? Semble-t-il, il y avait une histoire de contrat garanti ou pas, team option, player option ou pas, qui était dans la Oui, et puis discussion. Mais il n'y visiblement avait peut-être pas que ça. Il n'y avait pas que on n'a ça. jamais été on n'a jamais on n'a jamais quand je dis on c'est les Knicks, ça c'est pas moi mais j'estime que Je fais un peu partie de l'organisation. en faisant pas en regardant tous les matchs et maintenant je peux dire on sur l'équipe les Knicks Votre équipe de cœur. ont proposé visiblement 18 millions, sont pas allés au-delà. Là où lui, ben forcément, est arrivé avec toutes les captures d'écran. Et attends, lui, il a pris ça, et lui, il a pris ça, et lui, il a pris ça. Donc moi, je vais prendre ça. Bah, forcément, Leon Rose bah, dit bah, c'est compliqué, mais on peut pas, comme tu dis, on peut pas donner On ça peut à pas un payer tout le backup monde, meneur. quoi. Et puis on peut pas payer tout le Étant monde donné non que, plus. étant donné qu'on a, on a bien compris que, pour, que dans l'optique du front office et du coaching staff, c'était un sixième homme, puisque même que quand Grimes est sorti de la rotation, on l'a pas fait rentrer en second arrière, hein, on l'a pas, il a gardé ce rôle et ses minutes. Donc, bah, tu te doutais bien que quelque part, toutes les histoires d'amour se finissent mal en général. Et là encore. Et là, c'est une histoire peut-être d'argent qui fait que la décision est prise. Comme tu le dis, c'est un meneur, un combo qui avait Attends. des prétentions. Attends, coupe. Ouais. Deux secondes. Deux secondes. Relance. Bon, petite interruption des programmes. Allez, ça va, pourquoi? Peut-être que c'est mercredi, jour des enfants, je ne sais pas. Mais ça, c'est la magie des youtubeurs. On a aussi une vie de famille et parfois. Allez, il peut y avoir des choses. Donc qu'est-ce qu'on racontait? On parlait des gosses, on parlait des gosses, on parlait de Rowan, on parlait de Emmanuel, qui, voilà, cassait la tirelire ou pas. Non, Oui, effectivement, on avait la situation contractuelle, beaucoup de C dans cette phrase, d'Emmanuel Quickley qui posait question. L'Enix avait de toute façon la main sur le dossier. On pouvait très bien se retrouver avec IQ et son agent autour d'une table et matcher une offre d'une équipe adverse qui aurait mis une belle somme à IQ. Il était restricted free agent l'été prochain. Mais voilà, ça allait faire quoi qu'il arrive une épine de plus à gérer dans le dossier, dans le dossier des contrats de Léon. Il n'y a pas que lui, bien mais sûr. tu sais On pensera que... à un certain français, mais on va pas trop non plus épiloguer dessus. Et IQ n'était pas le seul, on va dire, non plus dans cette situation. On pense à Tyrese Maxey, qui est son coéquipier de Kentucky, Moi, qui son n'a poteau. pas été prolongé, qui fait une très belle saison, encore une fois, à Philadelphie, lui dans un rôle de starter. Donc est-ce que IQ a aspiré à beaucoup plus d'argent? Ça, tout le monde veut de l'argent, donc pourquoi pas lui? Et aussi un plus grand rôle sportif Voilà. au niveau de son équipe. Donc Après, je vais te voilà, dire. il allait avoir des prétendants quoi qu'il arrive cet été, ce IQ. Et il Après, je vais te valait dire. peut-être mieux le perdre pas pour rien, quoi. Moi, j'étais de plus en plus, entre guillemets, convaincu par, la théorie de Kevin, d'ailleurs, hein, qu'on salue bien La fort. théorie de Kevin. Et la théorie de Kevin était un sign-and trade à l'été pour Donovan Mitchell. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure. J'étais de plus en plus, entre guillemets, séduit par ce qu'il me racontait parce que ça en prenait le chemin pour moi. Pour moi, ça en prenait le chemin. Pour moi, on était un peu dans cette timeline-là. C'est-à-dire, on allait arriver à l'été où Donovan Mitchell allait envoyer chier les Cavs en disant non, non, mais moi je prolonge pas. Eux se retrouvaient un peu au pied du mur parce qu'il faut qu'ils retombent sur leurs frais, parce qu'ils l'ont payé quand même cher pour le recruter. Nous, on a quand même un asset hyper alléchant en l'image de. Entre guillemets, on aurait. RJ, IQ, plus des Voilà, pics, plus des choses. Ouais. exactement, tu vois. Et donc, pour moi, je m'étais dit, bah tiens, Pourquoi pas? C'est un scénario probable. au début, quand il en avait parlé, j'étais en mode pourquoi pas. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, ouais, pourquoi pas, en fait. Et c'est pour ça que j'étais d'autant plus surpris, c'était que quand l'info est tombée, moi, j'étais, entre guillemets, un peu bloqué sur cette histoire-là Non, de c'était sign pas and ce qui était trade de prévu, l'été. quoi. Ouais, c'était pas ce qui Ouais. était prévu, c'était pas ça le plan, quoi. C'était pas. Léon, qu'est-ce que tu fous? C'était pas ça T'as spoil le truc, quoi. On n'avait pas prévu ça. Effectivement, on s'est dit, bon, il y a des décisions qui seront encore une fois à prendre l'été prochain, après une belle campagne de playoff, on l'espère. D'ailleurs, des campagnes de playoff, il n'y en a pas eu beaucoup pour IQ. Il y en a eu une dernière qui nous avait laissé sur notre faim parce Y en qu'on a n'avait eu pas deux retrouvé le IQ. et paf au folle, ouais. L'IQ de la saison passée. Donc ça aussi, lorsqu'il a fallu prolonger IQ, bon, ok, tu veux beaucoup d'argent, mais tes derniers playoffs, ils sont pas forcément à ton avantage. Alors c'est pas qu'on croit pas en toi, mais montre-nous que Et quand le d'ailleurs, je niveau pense de jeu que doit s'élever, tu sais l'élever, quoi. ça Ou le nous a été un maintenir, peu bon. préjudiciable contre Miami parce que on aurait eu bien eu Ouais. besoin justement d'un comme ça d'un dynamiteur en sortie de Il n'y banc a pas que et lui. finalement qui n'est jamais venu. Julius est passé. Enfin, n'a pas été au Oui. niveau du moins. Et IQ est passé au travers de ses playoffs. Donc. Après les deux, c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol. On a eu les deux qui sont arrivés un peu pétaxes, un peu blessés sur cette campagne-là. C'est vrai que on n'a pas eu ces deux gars-là à 100%. Je redonne, c'est pas que je trouve des excuses, j'explique. Non, c'est factuel, Et c'est factuel. on n'a pas eu ces types-là à 100%. Donc si on IQ les a n'a eu à 100%. pas 10. n'a pas disputé les derniers matchs contre le Heat. Non, Donc, et et non. ses matchs précédents n'étaient pas du niveau de ce qu'il avait pu produire en On a saison et en cru un fin de peu saison comme régulière. Donc, un peu comme dommage. Miami, ils étaient en mode pendant les finales, ah Tyler Herro, il va revenir, il va revenir, il va revenir, et finalement nous ça avait été un peu la même chose. Avec lui il va peut-être revenir, et finalement non en fait, il est jamais revenu donc. Donc ça a manqué, ça a dû peser dans les têtes et au moment des discussions, des négociations pour une prolongation. Donc voilà, donc il y avait ce sujet épineux, et puis on l'a déjà dit aussi, il y a beaucoup de joueurs dans le backcourt à New York. On a rajouté Dante DiVincenzo, qui est un poste 2-3, voilà, qui peut évoluer sur plusieurs postes. Donc ça, JB, McBride, qui d'autre, Quentin Grimes, Hart, qui peut des fois jouer aussi. Ça faisait beaucoup de joueurs, un temps de Énormément jeu de joueurs. limité parfois, et on se dit, mais c'est dommage, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer plus IQ? Ben voilà, finalement, il y avait des discussions, des décisions. Fallait pas le blesser, Allez voir certes. dans Il a mon. montré de belles choses jusqu'à ces derniers matchs, mais non, mais non, mais Allez non, voir dans mais non. mon. Allez voir dans mon explication du trade. Il y a un petit problème mathématique. Et en fait, ça fait sens. Et en fait, ça fait sens. Un temps de jeu limité, donc Et ouais. après, tu comprends que Thibodeau était un peu entre, je pense, entre le marteau et l'enclume. Bah. C'est-à-dire, il a des mecs, il faut qu'ils sont sous contrat, il faut qu'il les fasse jouer, parce que s'il les fait pas jouer, forcément, leur valeur est perdue, mais s'il les fait jouer, ça gueule parce qu'ils jouent pas assez. Donc, c'est vrai que moi, je vais te dire. Limite un problème de riche en fait, Tu parce sais que. que en plus que ce soit Dante, Arch, JB, C'est du bon IQ, joueur. ils les aiment bien, ils les apprécient, c'est pas comme s'ils les Et faisaient pas jouer. c'est du bon joueur en plus. C'est du joueur qui amène quelque chose sur le terrain. Et si tu veux, moi cet été, que quand on signe Dante. Dante DiVincenzo et qu'on avait Josh Hart, qu'on est allé le chercher, moi dans ma tête, dans un premier temps, je m'étais dit, bon ok, C'est bien, mais on fait un truc, on cherche quelque chose, on va mettre on Granit, a autre chose, quoi. on va mettre IQ de la balance. On est en train de travailler sur quelque chose. On est en train de travailler sur un trade. Pour moi, on est allé chercher Dante DiVincenzo. C'était pour remplacer IQ. Bon, c'est ce qui se passe maintenant. Mais dans mon esprit, en fait, je m'étais dit, on n'est pas allé chercher ce gars-là juste pour faire plaisir aux poteaux et aux Villa Un Boys. petit peu, mais pas que, mais pas que. Ouais. Mais pour moi, il y avait autre chose. Il n'y avait pas que ça. Tu donnes pas un contrat. Voilà, tu t'engages pas sur 4 ans et 10 millions par saison juste pour faire plaisir à ton franchise. Tu fais ça parce que aussi tu vois un intérêt sportif. Et moi je m'étais dit, tiens, on a finalement maintenant une équipe assez profonde pour pouvoir nous séparer des petits joyaux. Ce qui brille, quoi, ce qui Au attire. pire, si on les perd, on n'est pas démunis, on a d'autres joueurs et qui sont déjà Exactement. prêts et qui sont dans l'esprit de ce qu'on Exactement. cherche en termes de jeu, quoi. Et donc moi j'étais persuadé que la signature de Dante DiVincenzo. Ça allait amener peut-être un mois et demi après, un trade d'un joueur plus important dans lequel on aurait mis du jeune, Evan, Grimes, Quickly, du Y a des pic pour. contrats, bah. Il y a des contrats à bouger. Ouais, mais pour. Non, mais à l'été. Après, d'ailleurs, le marché est encore ouvert, c'était pas encore lancé. Mais j'étais persuadé qu'on allait faire quelque chose. Et finalement, en fait, on fait rien, la signature vient pas, enfin, la re-signature vient pas. Et là, tu te dis, attends, on va attaquer la saison avec un backcourt aussi fourni. Et Ouais, mais puis, au final, on a des résultats et est-ce qu'il y a besoin de tout chambouler quand une équipe gagne ou est plutôt bien placée dans la course, dans le timing que tu attends? tu sais que Ça ça va. nous a semblé très vite Tu déséquilibré. bah, Et tu peux notamment, en plus, avec la perte pas. de Hobby, on s'est dit, bon, il faut redensifier, rééquilibrer tout ça. Mais Oui, finalement, les résultats étaient là, donc mais les résultats pas étaient là, mais d'urgence, jusqu'à quoi. quand? Pas Les d'urgence. résultats étaient C'est là, mais ça. jusqu'à quand? C'est-à-dire que ce sont quand même des êtres humains. Emmanuel Quickly, on le fait monter en C'est vrai. flèche. Et la saison suivante, boum, on lui enlève 5 minutes. On lui enlève 5 minutes? Merde, alors qu'est-ce qui se passe, coach? Je joue moins bien? Non, non, tu joues pas moins bien. Il y a juste qu'en fait, maintenant, on est trop nombreux, donc On est plus faut nombreux, quoi. départir. Le Ouais. gâteau se Et fait la donc, même taille, mais vous êtes plus à croquer dedans, quoi. Ouais. et Dante DiVincenzo qui arrive, et qui lui aussi perd des minutes par rapport à Golden 7. Excusez, il va voir forcément. Excusez-moi, coach, ou excusez-moi, président. Qu'est-ce qui se passe? On s'était pas mis d'accord sur ce type de contrat ou sur ce temps de jeu. Donc forcément, peut-être que pour l'instant il y avait des trucs, mais on n'est pas peut-être pas à l'abri qu'au fur et à mesure que la saison avance, des petites Ça frictions, des guerres pouvait, d'ego. ouais. Donc il fallait alléger tout ça. Il fallait alléger tout ça. Malheureusement, comme je dis, Emmanuel Quickly après Jalen Brunson, c'était notre plus bel asset. Demain, tu proposais un trade à n'importe quelle équipe s'ils étaient encore là, forcément, et j'aurais été très surpris que le GM en face dise pas, bon, alors déjà, le premier nom, nous on veut lui. On veut Quickly, nous, on veut lui. Évidemment que c'était le premier nom Sachant en cité. plus la situation contractuelle, sachant sa situation Ben oui, sportive, c'est il pas. était Ils avaient... dans le viseur des équipes, des GM adverses, forcément, forcément. Exactement. Et C'est un au pire, tu type t'en sers qui. comme un joueur du banc, bah il était déjà dans ce rôle-là à New York, donc voilà, tu as un potentiel meilleur sixième homme. C'est effectivement un asset de grande valeur. Et Tout à Toronto fait normal a de. vu ça, quoi. Sachant que Tout à fait. Toronto a perdu Fred Van Fleet l'été dernier, ils avaient un besoin à la main. On l'a vu, parce que oui, il y a eu des premiers matchs joués. Il y a eu un premier match à l'heure où on enregistre cette émission, côté New York. Donc on va venir pour parler de nouveau Knicks quand même. Mais on l'a vu côté Toronto, bah, il a tout de suite trouvé un poste de titulaire. Donc à voir si ça s'inscrit dans le temps aux Raptors. Mais ce soit sportivement, puis contractuellement, je pense qu'ils montrent déjà tout de suite un peu plus d'envie vis-à-vis de IQ, croire plus en IQ. Ils ont trade d'une certaine façon pour RJ IQ. Donc il y a Pour une moi, volonté vis-à-vis du joueur qui est déjà affichée sur ses premiers pas, quoi, à pour Toronto. moi ce trade est un peu gagnant-gagnant. Visiblement, OG On aimait les. fera Non, mais. la Non, non, conclusion à la mais. fin, Et mais ça semble, aimer. ça semble. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que OG aurait voulu les Knicks et que c'est une incroyable opportunité pour IQ. Ben, enfin, d'avoir les responsabilités qu'on lui a un peu refusées du côté de New C'est York ça, c'est ça. et de RJ de jouer maintenant pour lui, pour ça, pour chez lui, pour son équipe. Visiblement, c'était l'équipe qu'il a toujours suivie enfant, et ce que je peux comprendre. Hein. On suit toujours l'équipe de son coin. Donc, c'est vrai que nous, on est dans l'attache affective de ces joueurs-là qu'on a On a dû suivis en voir. depuis 4 ans, 5 ans. Et c'est vrai que ben, d'un coup, de les voir porter à notre jersey, on leur Ça fait a donné bizarre. aussi une C'est bizarre, valeur à ces mais. joueurs-là. Est-ce que la valeur qu'on leur a donnée affective est la même que la valeur qu'ils ont en trade, est-ce qu'elle est supérieure ou est-ce qu'elle est inférieure? Est-ce qu'on les a vus trop beaux ou pas assez? On le saura rapidement. En fin de saison, on le saura. Hein. On le saura assez vite. En tout cas, voilà, on a fait un bon débrief sur les joueurs qui nous ont quittés, RJ et IQ. Est-ce qu'on a maximisé leur valeur? Peut-être moins celle de RJ, La peut-être photo, elle est plus celle de terrible, hein, IQ. du We Here. La photo du We Here, où on voit qu'effectivement, dans l'effectif du We Here, il ne reste plus que deux Knickerbockers actuels, à Et, savoir mais, Mitch et Julius. Taj À la Gibson, place, il n'en restera qu'un. Il était là, non, Taj Ah, Gibson? ils l'ont peut-être dégommé sur le montage, effectivement. Je Parce ne que sais plus, j'ai un doute. pour moi, il était là, hein. Oui, Tonton Taj, il bon. était là, hein. Il était là, Il un backup de... Un a toujours backup... été là, Puisque Mitch en n'était pas assistant là, coach de... c'était En no, assistant coach. c'était Nerlens On avait Noel, les... mais pour moi, il C'est était ça. là, le... Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il reste, Enfin, que ça va bref. vite en NBA, et que voilà, on leur dit au revoir, on leur souhaite en tout cas Et une très bonne qu'on regrette continuation. tous les jours Elfrid Payton. Je sais pas. Surtout avec Brunson, maintenant je suis pas sûr qu'on le regrette. Mais voilà, il y a des explications, il y a des raisons qui ont amené New York à se séparer de ces deux joueurs, des raisons différentes pour IQ. C'est plus la situation contractuelle et la limite qu'il pouvait y avoir dans le rôle qu'on pouvait lui donner. Pour RJ, c'est finalement la patience qui a été à son bout. Est-ce qu'on aurait pu encore continuer quelques saisons avec RJ? Possible. Est-ce qu'on aurait été plus loin avec RJ? Pas certain. Ça, on verra ce qui va se passer. Maintenant, on va quand même s'occuper de ceux qui sont arrivés, parce qu'on a beaucoup parlé de RJ, on a beaucoup parlé de IQ, mais il faut qu'on regarde aussi les nouveaux arrivants. Donc trois joueurs arrivent, finalement on en perd deux, on en retrouve trois. Il y a eu un Dequan Jeffries qui était plutôt en two-way ou je sais plus, un contrat complémentaire Alors, qui est t'as vu, il venu. a été coupé, mais il a Il été a été coupé. re-signé par les Westchester. D'accord, bon voilà, L'info, elle est tombée, là. on s'est Enfin, arrangé. il est revenu dans l'équipe de G-League, mais plus en two-way cette fois-ci. Il est revenu Sauvé, que pour sauvé. la G-League. Et donc, trois joueurs qui Comme débarquent à New Skarpinski, York. j'imagine. Ou je Qui? sais plus comment il s'appelle. Oublie. Lui, voilà. Random, Eh, random. mais il a porté le jersey des Knicks. Bon, ok. Il a porté sur un match, il a joué quoi, 20 secondes? 30 On secondes. dira rien, on dira rien, sinon il va falloir refaire un visuel pour un t-shirt de cette saison. Bref, bref, bref, bref. On dira rien. Mais voilà, ça y est, C'était on ça, a non? des nouveaux Booker et on va se concentrer sur ceux qui sont les plus importants dans ce deal. OG Anunobi, bien sûr, lui qui arrive Ça, c'est avec son cool. nouveau numéro, le 8. Tiens donc, un ancien numéro qui a plutôt marché. J.R. Smith, Latrell Sprewell, Danilo Gallinari, je sais Kemba pas. Walker. Kemba Walker, le numéro 4, pour l'ancien D-Rose, qui est remplacé par Malachi Flynn. Bon, à voir si on le voit beaucoup sur le jeu. Numéro 5, eh ben oui, Emmanuel Quickley, son numéro n'aura pas été retiré. Donc c'est Precious Achiuwa qui le récupère. Bon, le 9, je ne sais pas s'il sera retiré. Hein, vous savez, c'est compliqué de retirer des maillots à New York. On verra ça. On verra. Mais le 8 retrouve un bon, comment dire, héritier en la présence d'Oji Anunobi. Alors, on va détailler un petit peu l'arrivée d'Oji et ce que ça apporte à New York et en quoi c'est ou pas un bon trade. On va rapidement parler de Malachi Flynn et Precious Achiuwa. Malachi Flynn, un joueur qui évolue au poste 1, peut-être un peu 2. Malakai, Bon. ne défais pas encore tes valises, mon garçon. S'il te Ouais, plaît, prends la on sait location d'un pas. hôtel un peu plus longtemps que Ouais. prévu. Il est vrai que Voilà, pour les l'instant, sors juste. Airbnb. Les Airbnb à New York, c'est un peu Sors compliqué en trois ce moment, t-shirts et deux mais du slips. calme. Voilà. On l'a dit, il y Ne, pour avait un l'instant, ne commence pas embouteillage. à, ne te lance pas sur un projet immobilier tout de suite. Du calme, du calme. Surtout que ça coûte cher à New York. Mais on l'a dit, il y avait déjà embouteillage sur les postes arrière. Et c'est pour ça aussi que IQ est parti. Donc peu probable qu'on le voit à l'œuvre, à part sur Et quelques puis on a séquences. re-signé Miles McBride. On a prolongé McBride. Alors est-ce que c'est une façon de le garder pour pas très cher? Oui, c'est certain. Est-ce qu'on Est-ce que croit c'est à une l'avenir à façon de McBride? créer Je du sais pas, cap? je sais pas. Peut-être, peut-être. À Est-ce que c'est voir. une Bon, en tout façon cas, de il y a eu créer du cap effectivement aussi? Mais cette. rien. Cette conséquence du départ de IQ. Donc Malachi Flynn, bon, on n'attend pas grand-chose de lui, à voir, il pourra peut-être nous surprendre, mais ça risque d'être plutôt en bout de rotation. Precious Achiuwa, c'est plutôt pas mal intéressant parce que, oui, pendant ce temps-là, on a eu la confirmation que Mitch, sa saison, elle semblait plutôt mal embarquée, voire, comment dire, off pour le reste de la saison, et ça, c'est une énorme perte. Alors oui, Hartenstein Ben, fait il le doit boulot être en ce réévalué moment. encore, hein. Il doit être opéré et puis réévalué, on l'a vu en rééducation. Jericho Sims s'est blessé entre-temps, pas de bol. Mais du coup, on récupère un intérieur, à voir ce que ça peut donner. Un profil différent d'Hartenstein, c'est certain, un profil différent de Sims et de Mitch Robinson. Mais il peut dépanner. Et il a déjà dépanné, il a déjà Oui, voilà. dépanné un peu plus que Taj Gibson, qui est plus tout jeune, hein, faut le dire. Hein. Taj, on l'aime bien, Mais il est mignon. À voir je si suis ça pas s'inscrit certain sur la durée. qu'Achua, moi, ben, Pourquoi pas? Pourquoi pas? il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat lui aussi. Hein. Il est UFA en fin d'année, en 2024. Hein. Son contrat se termine là. Donc on aura également ses droits à lui. À voir. Il a quand même pas mal voyagé. Il a commencé à Miami, tu vois. Ensuite, il a fait partie du trade pour Kyle Lowry. Pour Donc il est Calorie. parti à Toronto. Et à Toronto, ça a un peu stagné. Hein. Autant à Miami, il y avait peut-être une petite hype qui montait. Autant à Surtout Toronto, qu'on dit à chaque fois quand même, il s'est que vite effacé. les tours de draft, les pics de draft de Miami, ouais, c'est toujours des bons coups. Bon, là, visiblement, ils l'ont pas gardé énormément. À voir, à voir. C'est un joueur qui peut dépanner. En tout cas, il est plus jeune que Taj Gibson. Donc, peut-être qu'on peut lui refourguer un contrat pour pas trop cher en rotation. Ça serait le troisième pivot d'Enix si on va pas plus loin avec Jericho Sims à la fin de la saison. À voir. Mitchell Robinson Après, je reviendra. pense que Mitchell quand même, Robinson a. Ça c'est un peu dépanne. mieux que Jericho Sims, ça, j'imagine. Oui, Ouais, d'accord. je Mais pense. Jericho Sims, Je pense aussi. on part quand même de très bas hein, avec Jericho Sims, ça, c'est. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, comme on le dit, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un match. Donc, on va pouvoir avoir un peu de matière pour parler de ce qu'on a vu. Achiuwa, il a eu quelques fautes. Voilà, il a pris la place dans la rotation de Taj Gibson. Donc, à voir. Il faudra gérer les fautes. Mais je sens un peu le joueur pour dépanner. Et pourquoi pas le prolonger pour un contrat pas trop cher l'été prochain si on a besoin de profondeur d'effectif, de profondeur de banc sur ce poste 5. Mais si on se dit qu'on prolonge Hartenstein, qu'on retrouve Mitchell Robinson, ça fait un poste de troisième pivot. Est-ce que c'est à ça qu'il aspire? Il est jeune, il a peut-être besoin d'autre chose. Donc on verra. Ça dépanne. C'est pas plus mal parce Et que là on avait besoin de rotation en ce moment. est-ce que c'est le genre de profil est-ce que tu mets en troisième pivot Ça Ou me paraît alors, jeune enfin, je sais pour pas. un troisième pivot et un peu réducteur pour lui. Est-ce qu'on gardera Hartenstein? Ça, c'est encore autre chose, un autre sujet sur lequel on C'est aura ça autre l'occasion de chose. revenir. Ouais. Mais voilà, en tout cas, pour cette fin de saison, c'est bien d'avoir récupéré ce profil de joueur. Il y a un moment, il y avait des rumeurs, Dédé Drummond. Bon, bah, Dédé Drummond, il est reparti en mode machine à double-double avec des 20 rebonds. Donc, c'est peu probable que Chicago s'en sépare. À voir. La trade deadline, elle n'est pas encore Ou pas, arrivée. Il peut parce se passer que beaucoup de choses. justement, eux pour l'instant ils sont hors play-in. On sait très bien que y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers temps sur Zach LaVine qui joue toujours pas, sur Ouais. DeRozan. Donc si il venait Donc qu'à appuyer sur le bouton Chicago rouge, pourrait appuyer sur le bouton reset, ça c'est certain. ben avoir Et... avoir pour eux là un Drummond qui se remontre devant la phase, enfin, devant la face du monde, pour eux je Ça pense que c'est une revalise les aubaine assets. justement parce Ouais. qu'il reprend ouais. Ça revalorise les assets. Mais voilà, donc en attendant, on n'a pas trop tardé finalement. On a trouvé un autre pivot jeune. Donc c'est bien au niveau de la rotation par rapport à la situation actuelle et les blessures. Imagine Hartenstein se blesse, bon bah voilà, on commence à être vraiment très démunis, sachant que les Knicks ont exercé pour la fin de la saison annoncée off de Mitchell Robinson une exception pour pouvoir trade et récupérer un peu de cap. Donc ça, à voir. Mais voilà, on a parlé de ces deux joueurs-là. Celui forcément qui a attiré tous les regards, c'est OG Anunoby. On a eu l'occasion de le voir à l'œuvre, et ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que les Knicks ont bien fait de casser entre guillemets leur tirelire avec RJ et IQ pour OG Anunobi? Un profil de joueur qui est un profil two-way, alors pas two-way contract, mais qui peut jouer des deux côtés du panier, ça on l'a vu tout de suite. Il était All-NBA Defensive Second Team, hein, si je dis pas de bêtises. C'était Team, second ou c'était first? second team cette année, ouais. Second Team. Donc Second team. voilà, donc des qualités défensives reconnues. Une polyvalence surtout, un joueur qui peut Ah ouais. jouer 2, 3, 4, pourquoi pas 5 si on joue vraiment du ultra small ball, poste 1, tenir des postes 1, je sais pas, à voir, faut pas qu'il soit trop rapide non plus, mais tout de suite on l'a vu à l'œuvre, il a été bien accueilli à New York, son numéro 8 est tout de suite a tapé dans l'œil de pas mal de gens, et puis rapidement il s'est montré dans ses qualités, à savoir être capable de shooter à 3 points, dans le corner ou quasi, être capable de jouer en transition, être capable de couper au panier, être capable de bien défendre. On l'a vu sur Anthony Edwards, qui a été bien bloqué, bien gêné. Alors il y a eu des problèmes de faute sur OG. Bon, Ben, t'as vu il y a la des stat problèmes de justement faute. qu'ils avaient ressorti sur Anthony Edwards. Parce que évidemment, t'as toutes les stats que tu veux. Donc, OG Anunoby donc a défendu pendant 60, dans 13 minutes 12 sur Anthony Edwards, donc pendant 68 possessions. Et pendant ces 68 possessions, donc Anthony Edwards a été à 4 sur 14 au shoot et Mal. il a perdu 3 ballons. Donc pas mal Pas pour mal. un premier match test. Alors bon, Pas mal pour un on mec avait qui nous en une. a calé quand même 35 dans le match, quoi. Oui, en plus, ouais. Donc beau boulot de la part de OG. On l'a vu, c'est plutôt ses highlights offensifs pardon, qui auront tourné dans un premier temps avec ses petits dunks sur des passes de Dante DiVincenzo. Une belle connexion déjà avec les joueurs. Alors ouais. Et il devait déjà connaître le playbook des Va se Knicks créer. puisque l'assistant coach est parti avec quand il est parti à Toronto. Donc Ah, ça oui, ça là-dessus aide. c'est Sipi de Knicks Fan TV qui a ressorti ça sous tweet. Mais effectivement, il s'est vite adapté, il s'est vite trouvé comme un C'est vrai, poisson dans j'avais pas l'eau. pensé. C'est un joueur à un profil défensif, donc ça, Thibodeau, forcément, il va l'aimer. Il l'a fait tout de suite jouer quand même pas mal. Il termine à quoi? 17 points. 17 points Et sur heureusement son qu'il est à premier 6 match, fautes un parce beau que ça aurait été pourcentage. le plus gros temps de jeu. Et il termine deuxième meilleur scoreur des Knicks après Julius Randle sur son premier match, sur son début à New York. Donc ça, c'est très bien. Ce soir, dans la nuit donc de mercredi à jeudi, il y aura la réception des Chicago Bulls. Tiens, on parlait de Dede Drummond tout à l'heure. Et donc on espère voir encore un match aussi abouti de la part de OG. C'est pas un joueur du Ben, profil j'ai envie de te comparable dire. à RJ, hein, on est d'accord. On est d'accord, on n'est pas, même s'il lui a pris sa Non. place dans le starting 5, poste pour poste, il joue au poste 3, on n'est pas sur les mêmes qualités de joueur, on n'est pas sur un joueur qui va trop scorer. Faut s'attendre à du 15 à 18 points, peut-être de moyenne Oui, de qu'est-ce qu'on OG, moyenne? peut-être, voilà, mais une présence défensive qui va être vraiment différente, Il surtout est que ces recruté derniers pour ça. temps, Hein. New York, on prenait l'eau à. Valise. Il y a eu des blowouts, il y a eu des back-to-back qui ont été compliqués, il y a eu des road trips un peu délicats ces derniers temps. Mais voilà, on prenait beaucoup de points. Alors effectivement, Dante a pris la place de Grimes dans le starting five, mais on sentait que bon, la défense était plus aussi régulière chez les Knicks qu'elle a pu l'être en début de saison. Donc voilà, c'est un apport défensif. On perd peut-être d'un point de vue offensif, et encore, faut relativiser vis-à-vis de RJ et surtout de IQ, mais on retrouve peut-être un apport défensif pardon, dans le starting five avec la présence de OG et surtout une polyvalence. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de voir un joueur qui va être capable de tenir différents match-ups, qui va pas demander beaucoup de ballon. Et ça, derrière Brunson et Il est costaud, Randle, hein. il n'y Il en a pas est. beaucoup. Physiquement, il est. Je le voyais pas aussi costaud. C'est waouh. Et plus mobile que C'est RJ, j'ai l'impression en plus. En tout cas, c'est pas la une même belle bestiole, mobilité. quoi. Donc, lorsqu'il va falloir rejouer des Tatum Brown côté Celtics, lorsqu'il va falloir rejouer Ça lui fait Giannis pas côté peur. Bucks, ça va être bien de pouvoir disposer de cet ailier qui est capable Mais t'as vu justement d'avoir là ses missions défensives, sur quoi. certaines séquences. C'était assez intéressant à un moment donné quand justement quand il défend sur 4, tu te dis ok Ouais. et le défi physique et le défi physique il est là hein, il recule pas quoi parce qu'il est il est fort sur ses appuis il a des épaules de malade enfin il a un body énorme enfin c'est vrai que je le voyais pas parce que c'est vrai qu'on les Raptors on les voit quand ils jouent contre nous après on les voit pas non plus. Et c'est vrai que là, bon, on s'est plus focalisé sur lui, c'était le nouveau jouet, quoi, le nouveau joujou de Noël. D'ailleurs, quelque part, ça m'a fait un peu rire. Pour moi, ça a été le cadeau de Noël de Léon Rose, quoi, à Tom Thibodeau. C'est bon, Ouais, allez, 30 tiens, décembre. je sais Allez, que 30 t'aimes bien, décembre. je sais que t'aimes bien ce genre de jouet. T'as perdu ton petit Luol Deng. Allez, tiens, je t'ai ramené un petit OG Anunobi, tu vas être content. Et puis, il a déballé son cadeau, et il le fait jouer 45 minutes au match suivant, alors qu'il venait de Toronto. Tu sens tout de suite que Thibodeau, il a fait, oh, merci Léon, vraiment, pour Je le m'en sers cadeau. tout de suite. Oui, Pas de tu période en sers tout de d'adaptation, suite. voilà. Pas de load management, ça c'est certain. Et puis Tu bon, peux voilà, un le premier. faire jouer 40 minutes? Oui, Léon, oui, Tom, tu peux le faire jouer 40 minutes. Ah Oh, mince, merci il a pris six Léon. fautes. Mince, il a pris six fautes. Dommage. Sinon, je l'aurais bien joué utilisé encore un peu plus. Mais effectivement, un match test déjà important, primordial face à Minnesota. Alors, on va pas rentrer dans le détail du match. Ça, on vous donnera rendez-vous lundi prochain sur KNF TV pour parler des Knicks au sens large. Là, on est sur l'épisode où on fait le focus sur les joueurs du trade. Mais en tout cas, un match test, l'équipe numéro 1 de la conférence Ouest. Donc, c'était pas rien. Alors, Ouais. ils avaient peut-être encore un peu le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un petit peu dans les têtes, mais OG lui a été tout de suite s'est montré très rapidement à son aise, à son avantage dans le jeu des deux côtés du terrain, et ça, du coup, forcément, ça va être un atout important pour New York. Un joueur qui va trouver en plus facilement sa place au regard de la hiérarchie, c'est pas RJ Barrett qui était la troisième option offensive, bah là, lui il va jouer avec le collectif et il peut terminer troisième option offensive par moment. Des fois, ça va être Dante Et parce puis que il amène du vrai Dante est plutôt en spacing. réussite. Mais il amène du spacing parce qu'il a cette capacité de shoot à l'extérieur. Il a cette capacité de drive Il est aussi à qui est plus, différente. il est à 40% dans le corner. Et sur de Ouais. beaux volumes. Hein. Il a son petit jardin à lui, donc on le sait, là où il va être trouvé est à son avantage. C'est un droitier, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un joueur qui joue main droite. Là, on avait trois gauchers, enfin, voire quatre avec Hartenstein. Donc, ça va peut-être rééquilibrer cette menace au niveau de l'attaque des Knicks. On va pas tout le temps partir à gauche. Donc, ça peut être intéressant. Non, déjà séduit, c'est qu'un match. On va essayer de ne pas faire de conclusion hâtive aussi. On va attendre d'avoir un peu plus d'échantillons. On vote déjà pour lui pour le All-Star. N'oubliez pas, hein, les campagnes de vote sont déjà lancées. Donc, on veut au moins un X à Indianapolis, parce que c'est à Indianapolis cette année, au All-Star Game, peut-être deux. Et ça serait bien que JB ait sa première étoile. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais OG Non, mais Anunoby, après, tout de suite adopté, quoi. Tout de suite comme adopté, tu quoi. dis, ouais, tout de suite adopté. Et puis après, comme tu dis, bon, on est sur un match, mais c'était visiblement à regarder ce que racontaient les fans des Raptors en disant, ah, ben super, il faut qu'il soit à New York pour qu'on parle de lui. Ça fait depuis 4 ans qu'il fait ça chez nous, un machin ou plus, c'est un machin. Et c'est maintenant qu'il est à New York qu'on parle, qu'on souligne son. Visiblement, c'est un homme qui faisait ça de façon très régulière, hein, pour, de toute façon, pour qu'il soit dans la All Defensive Team. Ça veut dire que quand même quelque part, Ouais. c'est quelqu'un qui est régulier dans sa défense. Donc, qu'il nous fasse ça en plus sur son premier match, sans connaître l'équipe vraiment, après le trade, après un voyage, après tout Et ça, avec de un se adversaire montrer qui est pas coton, quoi. C'est pas, tu avec un... reçois Ouais, c'est pas ça. Détroit, tu vois, quoi, en fait, quoi. Par exemple, Par par exemple. exemple, par exemple. Et donc si bien que et ben ouais alors il s'est montré présent. Alors oui, il a pris des fautes, mais parce qu'après je pense que s'il y avait peut-être un peu manque de lucidité par rapport à tout ça, la fatigue et compagnie. Et Fatigue. puis Puis mais le défi de l'adversaire, quoi, en fait. oui, C'est voilà. pas n'importe quelle Donc équipe, quoi. il faut voir qu'il se cantonne pas, comme tu dis. Il défend les 3, il défend les 4. On l'a vu sur 2-3 séquences aussi sur Gobert. Moi, ça m'a bien fait marrer à un moment donné. Il y a une pénétration. Le mec se retrouve face à OG. Bon, qu'est-ce que je Ça fais? bégaye. Oh, Ça ben, bégaye. je la ressors. Ça m'a fait bien sourire parce que je me suis dit, punaise, c'est cool quoi. Enfin, ouais, voilà. On a cette ailier, cette. Qu'on réclamait depuis longtemps, qu'on aurait aimé voir justement. Et maintenant, on l'a. Alors oui, d'accord, on a lâché du monde pour l'avoir. On n'a rien sans rien. Mais c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était aussi courtisé. Il serait parti à Milwaukee. On aurait dit, ah, ben super, on a pas bougé, machin. Et voilà, Milwaukee sera encore sans fort. Ou que sais-je, tu vois. Ou peut-être qu'il serait parti à Boston. Ou qu'il serait parti à Miami. Et on aurait tous gueulé en disant, bah, quand même, pourquoi on n'a pas tenté les moves et machin. Bon, là, on a le. Il est là. On l'a signé. Enfin, on l'a signé. On l'a tradé. Il faut voir maintenant, parce que évidemment qu'il est en situation contractuelle, mais il y a quand même des petites subtilités que je ne sais pas si Ouais. vous, de l'autre côté de votre écran, vous les connaissez. Cet été, notre ami OG a changé d'agence. Il est passé Toronto. chez la CAA, CAA. qui est l'ancienne agence de... Léon Rose. qui était le président de la CAA. Et Voilà. visiblement, je n'ai pas checké, il faudrait que je regarde. Visiblement, l'agent de Ogilvy n'est autre que Le fils de Léon Rose. le fils de Leandro Rose. Donc, Enfin, semble-t-il. Ouais. je pense qu'autour de la dinde de Noël, ça a dû parapoter un petit peu des situations contractuelles à l'été du client, en Et disant, mais toi, dis ça va le donc. boulot? Ouais, bah, j'ai un dossier là en ce moment. Alors, bah écoute, si je peux t'aider, bah oui, tu m'étonnes, tu peux m'aider. Tu sais, fiston, Allez, pour parler de papa, toi. on se met d'accord. Tout ça dans Donc. un contexte où il y a déjà un procès en cours, machin. Bon, effectivement, Mais le repas de Noël devait être bon côté la famille des Roses, quoi. pour moi, on a tradé. Pour moi, on l'a tradé. Et on a quand même 2-3 garanties. Dans mon esprit, ça pourrait être un été à la Josh Hart. C'est-à-dire qu'il prenne son option, qui est de la hauteur de 18-19 millions, pour garder quand même une certaine flexibilité de cap. Mais immédiatement derrière, lui signer le contrat. Le contrat qu'il veut, tu vois. Donc, moi, je ne serais pas surpris que ça se passe comme ça à l'été 2024. Je m'avance, hein, on est à 6 mois, hein, on est à 6 mois de 6-7 mois de ça, de tout ça. Donc, c'est encore loin, il peut se passer beaucoup de choses. Mais je ne serais pas surpris que Leon Rose arrive à faire ce petit coup d'entourloupe comme avec Josh Hart. À lui dire, écoute, on a besoin de cap pour l'équipe, tu comprends. T'as envie d'être champion? T'as envie d'être champion ou t'as pas envie d'être champion? On a tous envie d'être champion. Donc, écoute, T'as voilà. envie de re-être champion. T'as envie de. Tu te rappelles comment c'était chouette quand t'as Tu veux été champion de. une Hein? deuxième bague Et puis là, à New York, la 5e avenue, t'imagines? Le bus impérial, ça y est. Ouh. Donc, moi, je pense que on peut se diriger vers un micmac comme ça, c'est-à-dire une re-signature à l'été et enfin, la prise du truc à l'été, c'est quoi? Ah. Une bague de champion. T'as envie de ça? T'as envie de ça, OG? T'as Donc envie? Ouais, je vous rassure, voilà. c'est une fake, hein, c'est une fake. Ah, c'est pas celle de Walt, il te l'a pas donné? Ah Mais non. voilà. Et donc, si bien que je pense que ça pourrait se passer comme ça. Après, c'est que mon idée, hein. Oui. Le trade n'est pas fait juste pour 6 mois. Clairement, il y a une suite dans les idées derrière. Effectivement, il y a des connexions avec l'agence. S'il y a eu un changement, c'est pas anodin. Si Toronto, au final, fait un deal avec New York, c'est peut-être aussi parce que les autres équipes prétendantes qui pouvaient espérer, tu as cité du Milwaukee, du Miami, on ne sait pas s'ils étaient dessus sur le dossier. C'est un joueur qui, forcément, apporte des deux côtés, poste 3, qui peut être utile dans n'importe quelle équipe. Après, est-ce qu'il va être très gourmand, ça, à voir. Il y a déjà des rumeurs, ça parle de contrat à 40 millions la saison. Oula, on va voir doucement, on va essayer de négocier ça bien, mais clairement, il y avait aussi peut-être finalement une sorte d'évidence à avoir un deal avec New York, parce que la connexion avec l'agence, parce qu'il y avait des pièces aussi à donner côté New York, donc c'est pour ça que ce deal s'est fait. D'un point de vue sportif, on récupère un starter, donc ça c'est intéressant, c'est surtout la valeur, la plus grosse pièce semble-t-il du trade aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que ça sera IQ demain, peut-être que ça sera RG, mais semble-t-il que c'est quand même OG Anunoby, la pièce maîtresse de ce trade entre ces deux équipes. On l'a vu déjà à l'œuvre sur son premier match, c'est plutôt intéressant à voir si ça peut se confirmer, ça Moi, peut ça m'a durer, hypé de ouf, hein. mais forcément, on est hypé et on attendait justement ce premier match pour voir un petit peu et pas parler dans le vent en disant ouais, regardez les highlights à Toronto, ça s'est très bien passé. C'était le système de Toronto, c'était une habitude avec d'autres joueurs à côté de Siakam, avec d'autres meneurs, avec du Chris Boucher, avec différents coachs, Nick Nurse et puis je sais plus comment il s'appelle, le coach actuel des Raptors. Là, Thibodeau, lui, C'est il un nom a. serbe. C'est un Ouais, nom et serbe. je vais pas me m'hasarder à le prononcer, je vais l'écorcher en plus. Mais voilà. Thibodeau a pu le voir à l'œuvre, le mettre à l'épreuve du Madison Square Garden, ça s'est très bien passé. Maintenant, voilà, on va attendre de voir. Il va y avoir d'autres matchs, on aura l'occasion de débriefer ces premiers. Rajakovic. Voilà, wow, tu le prononces bien. Maintenant, on va Parce arriver que à la merci. fin de cette vidéo. On a beaucoup parlé des joueurs partis, on a beaucoup parlé des joueurs arrivés. Au final, maintenant, la question qu'on peut se poser, et un élément aussi qu'on a peu évoqué, c'est la flexibilité financière que pouvait trouver les Knicks par rapport à ce trade. On se débarrasse d'une certaine façon du contrat de RJ qui démarrait juste. Qui en sort gagnant de ce trade? Est-ce que c'est un win-win? Est-ce que à la fois Toronto, à la fois New York, les différents joueurs retrouvent une bonne situation? Est-ce que c'est plutôt Toronto qui est gagnant? Est-ce que c'est plutôt New York qui est gagnant? D'habitude, on fait le jeu des pronos. Là, tout à l'heure, t'as un petit peu laissé dire ta perception de la qualité de ce trade à l'heure où on enregistre. Alors, on regarde, effectivement, peut-être dans 2-3 ans, on va dire, regardez, RG, il est double All-Star. Finalement, OG s'est cassé. Bah, c'est Toronto qui a gagné. Bon, là, on n'a pas une boule de cristal pour pouvoir dire qui gagne. Mais à cette saison, à l'époque de cette saison, dans l'état où les deux franchises sont, qui ressort gagnant de ce trade? Tu te Bah, penches, je me lance? Lance-toi. comme je disais, moi je pense qu'on est quand même sur une base de win-win, dans le sens où tout le monde est satisfait de ce qui se passe. C'est-à-dire que les Knicks, il leur manquait cet ailier puissant et défensif qui s'accorde parfaitement en fait au jeu, à deux têtes qui est Julius Randle et Jalen Brunson. Il s'écarte, il amène du spacing, il défend dur sur plusieurs positions. Il coupe très bien au panier, hein, ses dunks, il a un premier pas là, explosif, là, il met dans le vent ses adversaires. Donc c'est vrai que pour nous, cet ailier, c'était primordial qu'on l'ait pour nos ambitions. Et d'autre côté, on avait un J peut-être, on verra. Hein. Qui était peut-être Ah barré justement par Jalen Brunson barré de et barré. Julius Randle. Donc là, il arrive à Toronto dans une situation un peu particulière parce que c'est Scottie Barnes ou Pascal Siakam, le patron, on ne sait pas trop. Ils sont dans une phase de reconstruction. Bye bye OG, bye bye l'été dernier Fred Van Vliet. Et là, donc, on sait que Pascal Siakam est free agent cet été. Ils vont vouloir le trader parce que là, pour gagner des assets et pour donner les pleins pouvoirs à Scottie Barnes. Donc, est-ce qu'ils veulent essayer de créer un duo Scottie Barnes-RJ Barrett? Donc, à voir. Il joue dans sa ville, donc quelque part, il est content. IQ a enfin, comme je disais aussi, les responsabilités qu'on ne lui a pas données à New York, c'est-à-dire d'un poste de meneur titulaire. Alors, c'est un meneur sans trop sans le playmaking. C'est un meneur surtout scoreur, surtout dynamiteur. Pour moi, c'est un sixième homme. Hein. On l'a connu que comme ça. Alors, Voilà, je peux me fourvoyer complètement, mais pour moi, c'est un mec. Il est dans la digne lignée des Jamal Crawford, Ouais. Lou des Lou Williams. Will, des, voilà, des Dennis Schroeder, des mecs comme ça qui sont mais, des sixième hommes. Et c'est un rien péjoratif, hein, en fait, de dire ça. Manu Ginobili était un sixième homme. Et pourtant, il a J'allais une le citer. carrière et il est Hall of Famer. Donc, c'est pas péjoratif de dire, pour moi, t'es un sixième homme. Parce que ben, les sixième hommes finissent les matchs. Et IQ, on a fini un bon paquet des matchs quand il était avec les Knicks. Et il l'a fini, à contrario d'RJ Barrett, son premier match avec Toronto. Donc, à voir. Mais pour moi, ça, voilà. Je pense que chacun a eu un peu ce qui lui manquait. Nous, évidemment, on a ce côté affectif, comme à Toronto, ils ont eu ce côté affectif avec Ouais. OG Anunoby de le voir partir. Il lance un nouveau cycle. Nous, on continue notre histoire en passant par ce trade. À voir la suite pour nous. Mais pour moi, on est sur une base de win-win. Chacun a eu ce qu'il voulait. Très bien. Un win-win pour toi. Moi, je vais essayer de faire une conclusion. J'essaie de la faire courte. Effectivement, au premier abord, il y a l'affectif. On perd deux joueurs majeurs du dispositif d'Enix, même si RJ semblait arriver peut-être à une limite d'utilisation dans l'effectif actuel, dans la construction d'Enix. IQ, on pouvait espérer des choses, mais voilà, il y a une situation contractuelle qui faisait que le sujet allait revenir sur la table. Il allait falloir faire des choix. Si c'est pas lui, ça aurait peut-être été Grimes qu'on aurait dû sacrifier un peu plus tard et dans un registre d'utilisation sportive différente. Donc voilà, on perd deux joueurs majeurs, on en récupère un, on récupère des petits joueurs qui dépannent, donc clairement, mais on a gardé des assets, on n'a pas non plus dilapidé tout un tas de choix de draft, même s'ils sont protégés, je crois que l'été dernier, Masai voulait jusqu'à 5 choix de draft pour OG, donc non, on n'a Trois, trois, clairement trois, pas trois, trois. Il 3, voulait et trois déjà first 3 pick. Trois first pick, c'est il voulait. beaucoup. Hein, 3, c'est beaucoup. Donc là, non, on a perdu deux joueurs et un Est-ce second que tour. Emmanuel Quickly vaut trois first pick? Je sais Ou pas, je sais pas. Ou voilà. RJ, ou bon, bref, non, RJ, c'est un troisième choix. C'est un troisième Bref, choix. tout Non, mais ça ce que je pour veux dire dire par là, c'est que. que ouais, bah, on savait de toute façon que sa trade value allait baisser à Udi Anunoby Allait au fur et à baisser mesure. au fur et à mesure de l'arrivée de la trade deadline et de la fin de sa saison et de son contrat. Donc, c'était peut-être le bon moment pour faire le deal. C'est le bon moment parce qu'en plus, il y a du temps. Voilà, on est qu'en janvier, on n'attend pas un mois avant de faire ce deal. Donc, il y aura des matchs sur lesquels on va pouvoir utiliser ces joueurs. Donc, ça, c'est très bien. Est-ce que c'est un deal avant un autre? Ça, je sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que New York a encore des assets, a encore le contrat d'Evan Fournier à gérer. On a Comment du cette pic et du cap situation à va se fournir, faire? c'est énorme. On a C'est du énorme. pic et Est-ce que du cap. ça veut dire que le marché n'est pas fini pour New York? À voir. Ça va être compliqué d'aller chercher un Donovan Mitchell maintenant. Ça va peut-être être compliqué d'aller chercher un Dejounte Murray Eh ben, qui était dans les rumeurs. À je sais voir, à pas. voir, à voir. Parce que comme je Là-dessus. te dis, on a du pic et du cap et on n'a pas rien. C'est quand même énorme. On a du cap avec Evan Fournier à donner et on a du pic parce qu'on a encore tous nos pics en propre et les pics évidemment protégés qu'on a récupérés, C'est mais qui ont ça. quand même une certaine valeur. Donc on a quand même encore des choses à fournir. On n'a pas rien et dans le cadre d'une reconstruction du pic et du cap, c'est ce que les équipes cherchent en fait. C'est ce que les équipes cherchent. Donc, à voir qui aurait besoin de ça. Il y a plusieurs équipes qui ont entamé une saison de façon plutôt mauvaise et qui pourraient être enclins d'appuyer sur ce bouton reset et récupérer de la marchandise utile pour l'avenir. Donc, ça, les Knicks peuvent pourquoi pas être un bon client. Dans un premier temps, cette histoire de on perd de l'affect et on perd deux joueurs pour en récupérer un, on pourrait se dire voilà, il y a un déséquilibre, mais finalement, New York renforce, reconsolide son roster, retrouve une présence défensive, et ça, on en avait besoin parce qu'on en avait perdu ces derniers temps. On tourne la page à RJ, il y a de l'affect, on tourne, on dit au revoir à IQ alors que peut-être qu'il y avait mieux à faire, donc il y a de l'affect qui part. Mais effectivement, je serais plutôt sur un deal gagnant-gagnant parce qu'on les envoie là où ils sont heureux d'aller. Finalement, RJ et IQ, on les retrouvera assez régulièrement parce que c'est la conférence Est. On leur souhaite le meilleur, mais pas trop non plus parce qu'on a envie d'être devant eux à la fin de chaque saison, c'est certain. Et OG Anunoby, bah, on retrouve un ailier dont on avait besoin parce que oui, c'est ça qui manquait. RJ, c'était pas ce profil. RJ, c'était peut-être un peu plus d'apport offensif, mais peut-être moins défensif. Et finalement, l'ADN aujourd'hui de cette équipe, elle est aussi portée par un Tom Thibodeau, et Tom Thibodeau a besoin de joueurs défensifs. Et Oh. avec l'absence de Mitchell Robinson, bah, on a senti quand même cette absence. Donc voilà, on va peut-être retrouver une meilleure dynamique, un meilleur équilibre dans l'équipe. avec plus de défense, avec plus de polyvalence, avec un meilleur armement quand il faudra affronter des Tatum, des Bucks, les Sixers, pourquoi pas. On a envie de venir titiller, chatouiller ces équipes. On n'est pas, pour moi, aujourd'hui, à ce niveau-là. On n'est pas, avec l'arrivée d'OG, on n'est pas classé dans les contenders, loin de là. Il faudra des joueurs d'un autre calibre ou des performances Non, on est toujours à la surréelles bagarre. parfois pour l'être. On est à la bagarre avec Orlando, Miami, Indiana et Cleveland pour les places Voilà. 4, 5, 6. Au mieux, on finit 4. Au pire, on finit 6, 7, 8. Bon, on verra tout ça. Mais en tout cas, les Knicks, est-ce qu'ils ressortent plus forts de ce trade? C'est mieux équilibré, C'est mais mieux pas équilibré. forcément plus fort. Donc voilà, donc un deal gagnant-gagnant. En espérant que ça soit pas un deal perdant à la fin de la saison, où on se rende compte que finalement les Knicks ont perdu plus que n'ont gagné avec l'apport d'Oji. Mais pour l'instant, ça semble un deal gagnant-gagnant. Et puis, bah, il faut le dire, on va essayer de rester sur cette bonne première impression. On tape l'équipe numéro 1 à l'Ouest, Bien chez nous, sûr. au Madison Square Garden. Donc, comment ne pas être satisfait de cette prestation? Il va falloir reconduire cette Être prestation. fan d'OG Anunobi. Je Mais vous. oui, mais oui, mais oui. On Et puis, on va retrouve être De fan la d'OG. flexibilité sur le cap. Donc, il faudra prolonger OG, ça c'est certain, ça va se faire au bon tarif, on l'espère. Mais voilà, ça va redonner un petit peu de marge de manœuvre peut-être à Léon, qui regrettait peut-être finalement ce contrat de RG et qui voulait pas tout claquer sur Il IQ. n'avait pas le choix, il fallait le Donc, signer, il n'avait pas le choix, il n'avait pas le choix. par contre, voilà, ne vous attendez pas. Enfin, moi je m'attends pas à un gros move maintenant en cours de saison. Éventuellement l'été prochain, on verra. Si on tourne la page Julius, on Non, verra. je Si on le pense prend en que là, playoff, mais. on est peut-être plus De sur des l'ajustement. moves mettant en place avec des seconds tours. On a quelques seconds tours pour aller chercher des petits mecs ici ou là pour, voilà, ça murmure des Clarkson. Rééquilibrer la seconde unité, peut-être. Ça murmure des noms comme ça. Je sais que pendant un temps aussi, on avait entendu Buddy Hield. Ça murmure des noms comme ça, des mecs qui sortiraient justement parce que on l'a vu au match contre Minnesota, un manque de création, un manque de dynamisme en sortie de banc. Et évidemment, t'as plus Quickly qui arrive et qui te sort 15 points par Oui, match. bah oui. Donc, ben, il va falloir trouver un profil. Et c'est vrai C'est qu'au pas début, j'étais un forcément peu un profil réticent. de. C'est pas forcément un profil au poste 1. J'étais un peu réticent, mais c'est vrai que un Clarkson serait tout son sens en sortie de banc chez nous, quoi. À voir si on envoie pourquoi pas Surtout Evan que et visiblement, Ross. ils en demandent deux tours, deux secondes tours, je crois, un truc comme ça, hein, deux ou trois. Ouais, bon, ça on doit avoir. Soit on doit C'est avoir. cadeau, c'est cadeau, ça c'est. C'est cadeau. Bref, à voir, affaire à suivre. En tout cas, Léon a encore des assets. Est-ce que Léon va utiliser ses assets là, d'ici février? Il s'est toujours montré actif avant la deadline. Là, il s'est montré très actif avant, beaucoup plus tôt que prévu, puisque c'était directement fin décembre. En tout cas, nous, on va continuer de suivre ça. Pour l'instant, on est conquis, on est convaincu que c'était un bon move. Il y a de l'affect, effectivement, en voyant deux joueurs partir. Mais tout de suite, on a adopté OG. Pour ce qui concerne Malachi Flynn et Precious Achiuwa, on va attendre avant Les d'être conquis gars, par eux. comme je dis, Hein? vous lancez Ça pas va? dans un projet Vous avez immobilier. encore vos Ne preuves à faire, commencez pas à mais. visiter des apparts. Mais globalement, on est plutôt content de ce trade. On est plutôt content de ses premières prestations. Donc on va lâcher un gros pouce. Hein? N'oubliez pas de lâcher un gros pouce sur cette grosse vidéo. Il fallait prendre le temps de débriefer ça. Il y avait quand même pas mal de facteurs à prendre en considération. Et puis on va vous donner rendez-vous. Quand ça, tout simplement lundi prochain sur Lundi. KNF TV. Eh ben oui, on va revenir finalement assez vite. Là, on est sorti de vacances plus tôt. Bon, on va y retourner un petit peu. Et puis, on vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode de Avenix Week sur Parti. KNF TV. Là, Et lundi, on c'est aura un reparti paquet sur de matchs à playoff. débriefer. Hein. Ouh là là là là. Et là, c'est reparti pour playoff. Il y aura quand même un Break to All-Star. Et puis, la KNF va partir en voyage En fin voyage. février pour voir C'est vrai. OG. Bah ouais. Bon, d'ici OG, là, cassez portez-vous la gueule. bien. Encore une fois. Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Léon nous a fait un petit cadeau avant l'heure, donc on va en profiter. On Il vous a surtout souhaite fait plein de cadeau bonnes avec ses beaux choses, doigts. le cœur et tout, ouais, comme tu fais avec les doigts. À bientôt, voisin du dessous, hein? Eh bien, à Doucement lundi, encore écoute, sur les fêtes de fin d'année. profite bien du Profitez jusqu'au bout. week-end Fin d'année, je et dirais. viens et reviens frais et dispo. Voilà. Avec la galette des rois? Allez, on sait pas, peut-être. Allez, portez-vous bien. Bonne semaine, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et puis bah, let's go Knicks! On Let's s'est pas dit. go. C'est comme ça. Allez, ciao ciao!